Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 27. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter à notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent, sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je vous invite aussi, bien sûr, à rejoindre notre forum, le forum Europe Écologie Les Bruns, qui est ouvert aux gens de notre sensibilité de manière générale, c'est-à-dire sensibilité nationaliste, identitaire, raciste, racialiste, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez là-dedans, donc eelb.su. Inscrivez-vous et discutez avec les membres qui s'y trouvent déjà. C'est important pour forger le discours parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup plus de gens qui le consultent sans y participer. Et il faut jamais perdre ça de vue. Donc les gens lisent les discussions, lisent les arguments, les retiennent, les réutilisent. Donc c'est important pour forger le discours. Alors, sur ce, je profite de ce début d'émission pour présenter les membres de cette semaine. Je vais commencer avec Pierrot, traditionnellement. Comment vas-tu, cher Pierrot ? Bonjour Gadalf, bonjour à tous. Bon, en fait, pour le coup, ça va pas très bien cette semaine. Voilà, petite période de maladie, mais je vais me rattraper. Je pense que si j'ai du mal des Juifs, ça va aller mieux. Donc on va voir. Je pense aussi. MacDav est aussi avec nous cette semaine. J'espère qu'il va bien. J'espère que son week-end se déroule bien, cher MacDav. Parfaitement, cher Gandalf. Parfaitement. Farpaitement. Farpaitement. Est avec nous aussi depuis son poste de combat, vétéran de toutes les guerres, pratiquement. Fulbert, comment vas-tu, cher Fulbert ? Ah, Fulbert va bien, merci Gandalf. Bonjour à toi et bonjour à tous. Ta haine antisémite sera sollicitée aujourd'hui, Fulbert. J'espère que tu sauras te faire entendre. J'espère aussi. Alexis nous fait le plaisir de nous rejoindre en cette période estivale. Comment vas-tu, Alex ? Salut Gandalf, ça va très bien, merci, salut tout le monde. Et enfin, Hosanna est présent avec nous, le cardinal de Négrolatrie. Cher Derek, votre autorité spirituelle sur cette émission n'est plus discutée, ni même discutable. Et les miracles se sont enchaînés toutes ces semaines passées, donc finalement, dois-je vous laisser les clés ? Je vous pose la question. Hein. Oh, bah écoute, ça ne saurait tarder, hein, mais ouais, bah écoute, on va bien. Le sanglier débaroule sur les pentes de la montagne. Tout à fait. Alors, messieurs, je voulais commencer par un petit topo pour inviter tous nos auditeurs qui sont actifs sur Internet, actifs sans temps, c'est-à-dire nos auditeurs qui sont inscrits sur des réseaux sociaux ou ont du temps à consacrer à une présence sur Internet, ne serait-ce que pour aimer un commentaire, faire un petit commentaire. Je les invite à rejoindre un réseau social en particulier, et vous allez voir pourquoi. Ce réseau social, c'est Gab. qui s'écrit comme ça se prononce, gab.com, gab.com, avec pour logo une grenouille, donc vous ne pourrez pas louper ça, vous rechercherez ça dans votre moteur de recherche favori, DuckDuckGo par exemple. Pourquoi je recommande ce réseau social qui se présente en fait comme, comme Twitter ? C'est parce qu'il y a, du nouveau en fait. Nous avons eu la censure cette semaine, juste après, d'ailleurs quelques jours après notre émission où on a parlé de la censure sur les réseaux sociaux, et que peut-être VK était un des derniers, un des derniers réseaux sociaux qui ne censurait pas. Eh bien, nous avons été pris en défaut, puisque VK a décidé de censurer le compte personnel d'Alain Soral, qui était fort de 9000, je crois, 9000 amis, followers, hein, c'est selon. Et donc, c'était son point de repli, Alain Soral, sur les réseaux sociaux, puisqu'il avait été censuré aussi bien de Facebook que de YouTube. Dans la même semaine, hein, dans la foulée. Je crois qu'on en a parlé. Donc la chaîne d'Alain Soral a été supprimée, la chaîne YouTube d'égalité et réconciliation, mais qui comporte aussi bien sûr les allocutions d'Alain Soral, a été supprimée. Et peu de temps après, son compte VK, et plus exactement le jour même de son procès, intenté, j'ai presque envie de dire attenté, par les juifs pour des propos qu'il avait tenus sur ce même réseau social. Bon, VK s'est dégonflé totalement, totalement. Hein, ils ont abandonné Soral au milieu du guet. Et ils ont sucré sa page, pour le plus grand plaisir d'ailleurs des Juifs, puisque le CRIF s'est fendu d'un tweet pour se féliciter de cette nouvelle censure. Alors, du coup, la question qui se pose, c'est que faire ? Que faire quand le réseau social russe VK se plie aux exigences de la juiverie la plus arrogante et la plus malfaisante? Eh bien, la réponse, c'est gab.com, qui se présente, comme je l'ai dit, comme une espèce d'alternative à Twitter. C'est un réseau social qui, jusqu'à présent, en fait, ne nécessitait pas particulièrement de le promouvoir, puisque la censure n'était pas aussi forte que ce qu'elle est maintenant. En tout cas, ne nécessite pas d'être promu avec la même insistance et le même sentiment d'urgence. Alors maintenant, ça change. Donc, j'invite tous nos auditeurs à s'y retrouver. Inscrivez-vous sur le réseau Gab. Et c'est d'autant plus commode qu'il est possible de l'installer sur son smartphone. D'accord. On a expliqué ça sur le site internet, donc vous pouvez très facilement en fait le mettre sur votre iPhone ou bien sur votre Android, aucun souci. Et donc y participer aussi bien depuis votre smartphone que depuis votre PC chez vous. Voilà. Donc ça c'était le point que je voulais faire avant de commencer l'émission, parce que nous, en dehors de cela, nous n'aurons plus de véritablement de réseaux sociaux, du moins on pourra toujours être présent sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook sous des pseudonymes. Et même en sous-pseudonyme assez difficilement, mais les gens qui sont connus et qui veulent attirer leurs followers sans craindre de voir leurs efforts réduits à néant, peuvent le faire sur Gab. C'est-à-dire que sur Gab, on ne dira pas à un tel, je ne sais pas, Hervé Rissen, je ne sais pas s'il y est, mais il pourrait y être, Vincent Renoir pourrait y être, Jérôme Bourbon pourrait y être, et alimenter régulièrement ce réseau social de leur déclarations, observations, etc. Eh bien, ne risquent pas d'être supprimés arbitrairement parce que voilà, ils sont susceptibles d'être trop à droite. Et ça, c'est la philosophie fondamentale de ce réseau social qui est éprouvée, puisque son fondateur, qui s'appelle Torba, est victime lui-même de la chasse aux sorcières parce qu'il refuse d'exclure de son réseau social ceux qui sont trop sulfureux aux yeux des juifs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Donc en quelque sorte c'est un peu bulletproof. Et alors Torba il peut même plus avoir de carte de crédit personnelle, et même sa famille ne peut plus avoir de carte de crédit. La Visa interdit à sa famille d'avoir une carte de crédit. Donc c'est élargi. Donc là vous sentez que vous avez affaire aux juifs. Hein. Les juifs fonctionnent de manière tribale, donc la sanction est collective. Hein. C'est pas uniquement ça ne tombe pas exclusivement sur l'individu qui a fauté aux yeux des juifs. Hein. Voilà. Alors j'espère que j'ai été synthétique. Est-ce que parmi nos membres ici présents, vous voudriez ajouter quelque chose parce que là, on voit que la chasse s'accentue. Et les juifs le revendiquent, d'ailleurs. Vous ne voulez pas rajouter rien de particulier ? De toute manière, on est face à des entreprises privées. YouTube reste une entreprise privée. Facebook, c'est la même chose. Et même VK. Ouais. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Il va falloir que les nationalistes, et même pas forcément que les nationalistes, hein, parce que tout ça va également toucher une partie de l'extrême gauche, créent leur propre plateforme. Et il faudra certainement pas attendre des entreprises privées qui sont effectivement inféodées ou outre de nous supporter. Et je veux dire, encore moins attendre de l'État d'assurer notre liberté. La liberté, on la prend. Hein. Tout à fait. Je vais dire une chose. Je vais faire un parallèle avec l'amendement qui permet les armes à feu aux États-Unis. Ce n'est pas l'arme à feu qui permet aux citoyens américains d'avoir des armes à feu. C'est la possession d'armes à feu qui permet cet amendement. Il faut bien voir les choses dans ce sens et non dans l'autre. Et bien pour les réseaux sociaux, c'est la même chose. Ce qui permettra la liberté d'expression, ce n'est pas le fait qu'on nous accorde des réseaux sociaux, c'est le fait que nous les détenions. Tout à fait. Ouais, voilà. Je partage ton sentiment. Alors avant de commencer l'émission en tant que telle, je tiens à faire état des dons que nous avons reçus cette semaine. Nous avons des mécènes, comme vous le savez. Le site a eu des difficultés techniques cette semaine, je m'en excuse, l'équipe s'en excuse. C'est indépendant de notre volonté, on essaye de faire d'être le plus disponible possible pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas, mais bon, il y a toujours des imprévus. Alors du coup, on a eu des gens qui nous ont soutenus, bien sûr, mais qui ont tenu particulièrement à nous soutenir cette semaine. Alors bonjour à vous, chers démocrates participatifs, ça c'est le premier don. Je profite d'un petit don de 0,37 Monero pour vous saluer et t'indiquer, Gandalf, que nous avons bien perçu le signal des feux d'alarme dans la ville la plus septentrionale de France et qu'il y a toujours de la lumière dans la commandantour. En effet, certains soirs, nous pouvons même y entendre Erika Panzerlied ainsi que d'autres joyeusetés germaniques. Salut européen à toute l'équipe de DP. Anosteker, comme on dit là-haut, se prononce Anosteker et signifie au revoir à la prochaine en flamand. Un démocrate hyper boréen et c'est signé Bostou. Ça fait plaisir de recevoir un message de nos amis flamands. J'aime beaucoup les flamands. Don numéro 2, c'est Super Léon, qu'on connaît, qu'on apprécie, et c'est un mécène. 2,4 Monero transféré ce jour, en espérant que le site redémarre rapidement. Wahrheit macht frei. Sikael, c'est signé donc Super Léon. Salut à toi, Super Léon, merci de ta fidélité. Don numéro 3, bonjour à toute l'équipe. Nous vous joignons à nouveau un don de 0,21 Monero environ. Nous, car nous renouvelons le don qui vous avait été fait en novembre. Nous sommes en effet le jeune couple qui vous avait envoyé un courrier sur notre déambulation en France parmi les boomers, les boucaques et les cafres lors de l'épisode 45 de la saison 4, si vous et les auditeurs s'en souviennent. Je m'en souviens parfaitement. Les dons se feront à l'avenir de plus en plus réguliers de notre part, étant donné que nos caisses se remplissent de plus en plus, et vous offrir une contribution financière pour le travail qui est le vôtre est la moindre des choses. Je suis bien content que vous deveniez de plus en plus riche. C'est très bien pour vous, ça me fait plaisir. En cette période un petit peu morose. Pour la gouverne de notre cardinal, les petits arriveront bientôt, espérons. Ah. Dès que nous le pourrons. Cardinal, peut-être les baptiserez-vous, je ne sais pas. Néanmoins, sera-t-il possible, votre éminence, de faire de nos futurs chérubins des enfants de cœur de votre église tout récemment révélés au monde ? Nous soutenons de grandes espérances à cet égard. Quand ordonnerez-vous, évêque, l'honorable membre Bergoglio Diouf ? Il ferait un excellent missionnaire. Salutations à ce membre, donc du forum, ça c'est elb.su, il nous fait énormément rire. Nous aurions beaucoup d'anecdotes ou de réflexions à vous faire partager, surtout mon compagnon, mais c'est madame qui nous écrit, mais nous ne voulons pas voler la vedette à d'autres courriers à travers ce don comme la dernière fois. Encore une fois, un grand merci à vous et faites le meilleur usage de nos shekels. Pour vous, très cher Gandalf, encore un plus grand merci. Entendre votre joviale voix à l'introduction des émissions fait partie des moments les plus heureux de notre semaine. Ça remplit de plaisir. Celle-ci est plus efficace que le plus puissant des antidépresseurs. Merci encore, et puisse la victoire être nôtre, et en dehors de toute plaisanterie, que Dieu vous garde. Signé deux jeunes Français sur d'eux-mêmes, et dominateur. Bah, je suis très, ça me touche, ça me touche. Ça me fait très plaisir, merci à vous deux. Oui, c'est... leur courrier était déjà très bien. Ah oui. C'est... Et puis bon, bah, c'est gentil d'être revenu vers nous. Tout à fait. J'ai pas envie de visiter l'endroit qu'ils ont visité, par contre. Mais c'est autre chose. Don numéro 4. Bonjour, je vous ai envoyé cet après-midi un don de 1 Monero. Bonne soirée, c'est un Lyonnais. Un Lyonnais qu'on connaît, il signe tout le temps un Lyonnais, mais c'est un donateur régulier. On le salue et on espère que tout se passe bien dans la région lyonnaise. Qui vient... il en aura besoin parce que vu les clients qu'ils ont élus là-bas, ça risque d'être difficile. Ouais. J'espère que tu n'as pas des propriétés privées, enfin, des appartements vides. C'est mal barré. Don numéro 5, virement immédiat de 30 euros effectué aux valeurs aux démocrates participatifs poursuivis, comme nous tous, par l'hydre juive. Avant les événements de ces deux dernières semaines qui concernent George Floyd et Adama Traoré, je trouvais que l'église de négrolatrie était plutôt métaphorique. Ça rejoint ton propos, cher Derek. L'invasion négroïde des pays développés me paraissait orchestrée uniquement à haut niveau. Je n'avais pas du tout compris à quel point les habitants des pays occidentaux sont lobotomisés. Il va falloir redéfinir la notion d'homme, puisque les antifas et les orques du Mordor ne doivent plus rentrer dans cette catégorie. Donc j'apporte tout mon soutien à l'équipe de démocratie participative pour son travail et sa clairvoyance. Et c'est signé le prof de tennis d'Auschwitz. Bah, écoutez, pourquoi pas. Et enfin, dernier don. Bonjour, j'ai vu que le site rencontrait des problèmes, j'espère que ce n'est pas très grave et qu'il sera rapidement remis sur pied. J'en ai profité pour vous faire un don afin de vous aider. Vous trouverez ici les coordonnées. Bon là je ne sais pas, c'est un don de 100 euros hein, que nous fait ce démocrate. Merci de me dire si vous l'avez bien reçu lors de la prochaine émission ou par mail. Longue vie à vous, merci pour votre travail de réinformation. Et c'est signé Lionel. Alors je confirme Lionel, bonne réception. De votre don, et ça nous fait bien évidemment très plaisir de savoir que ce qu'on fait suscite l'engouement et la satisfaction parmi nos auditeurs et nos lecteurs. Alors, messieurs, première rubrique, hein, rubrique Otis, courrier des lecteurs, oh là, je vais trop vite. Oh là, Otis. Elle me mange cheval. Courrier des lecteurs. Alors, vous savez, lors de l'émission précédente, si ma mémoire est exacte, je voulais en savoir plus sur ce sport, cette pratique qu'on appelle le béhour, qui se trouve un petit peu au croisement entre le sport de combat et finalement le jeu de rôle, dont on a beaucoup parlé aussi dans une émission précédente récemment. Parce que ça m'intéresse et je pense qu'un certain nombre de personnes qui ont dû voir des vidéos de ce sport, notamment sur YouTube, s'interrogent, ils disent bah, c'est quoi, ça fonctionne comment, concrètement quoi. Alors j'ai une réponse, il suffit de demander, hein. On a des démocrates un peu partout. Alors voici ce courrier. Bien le bonjour chers amis démocrates. Je vous écris suite à la demande formulée par Gandalf lors du dernier podcast qui était de recevoir des témoignages au sujet du béhour. Étant un immense adepte, depuis maintenant bien des années, je vous livre ici le récit de mon expérience avec en bonus une ouverture sur le AMHE, Arts Martiaux Historiques Européens. Tout d'abord, qu'est-ce que le béhour ? Le béhour est un sport de combat disputé en armure médiévale avec les armes de l'époque, dont le but est extrêmement simple. En fait, il se résume peu ou prou à la célèbre phrase de Murat « Foutez-moi tout ce monde dehors !» Il s'agit tout simplement de faire tomber par terre l'intégralité de l'équipe adverse. Tous les coups sont permis. Voilà. Du MMA old school, en quelque sorte. Petite précision concernant les effectifs, c'est extrêmement variable, cela va du 5 contre 5 au 150 contre 150. Alors je vais pas. C'est pas mal 150. Hein. Oui, c'est une bataille. Oui, donc... Alors je ne. 300 pas... mecs là qui se. Oui. Alors je ne vais pas vous le cacher, ce sport n'est absolument pas fait pour les gens qui n'ont pas de physique. S'agissant de mon cas personnel, j'ai la chance d'être très grand, 2,03 m, assez lourd, 103 kilos, et cela fait longtemps que je pratique la musculation et la force athlétique. À titre d'exemple, au niveau de mes perfs à la salle, j'en suis à 200 kg au soulevé de terre et 150 kg au développé décliné. À première vue, cela va vous sembler assez extrême. Il est vrai que ce type de performance se situe dans la fourchette haute des adeptes de ce sport. Néanmoins, même sans aller jusque-là, tous sont quand même de sacrés gaillards et pour cause, pour pouvoir se battre efficacement avec une armure qui pèse assez lourd, mieux vaut être un bon athlète car c'est un sport qui a le don de faire bosser jusqu'aux plus petits muscles de votre corps. Bref, ce sport est véritablement un sport d'excellence. Ce qui me permet de faire la transition avec le second aspect que je souhaitais aborder le concernant. En effet, quand on parle de sport d'excellence, cela exclut naturellement les nègres, les bougnoules, les fiottes homocidaïques, les féministes obèses à cheveux bleus, les tziganes, les gauchistes sous kétamine H24, bref, toutes les races de boue et leurs affiliés. C'est bien simple, il s'agit d'un sport de blanc. Les championnats du monde sont squattés par les pays de l'Est, la Russie en particulier. Inutile de préciser que leurs équipes sont remplies de types qui sont de véritables clichés ambulants du bûcheron qui gagne sa vie en alternant powerlifting et concours de baffe. Des sosies de Maître Yoda en somme, pour ceux qui connaissent. Je ne saurais trop recommander à mes frères de race de venir s'essayer à cette noble discipline qui ne peut que les aider à s'aérer l'esprit en cette sombre époque qui est la nôtre. Comme promis, je conclus sur une brève ouverture sur les AMHE. Personnellement, je ne fais pas de compétition, j'en ai tout simplement pas le temps, mais j'en fais régulièrement et j'apprécie énormément ces sports pour l'extrême diversité qu'ils proposent. C'est bien simple, vous pouvez absolument tout faire. Vous essayez aux arts de la gladiature? Pas de problème. Un combat singulier à la Zweilander? Aucun souci. Revivre les affrontements entre Grecs et Romains ou Gaulois et Romains? Idem. Est possible. L'avantage, c'est que physiquement, s'il faut évidemment mieux avoir une bonne condition, cela reste quelque chose de plus accessible que le béhour. Pour illustrer, la différence entre les deux est à peu près la même que celle qui existe entre le MMA et l'escrime. Sur le plan racial, là encore, c'est un sport réservé aux blancs. Comme pour le béhour, vous vous doutez bien que, pour ne serait-ce que s'intéresser à ce type de discipline, il faut un certain niveau de culture, d'ouverture et d'érudition, chose dont les sous-races que j'ai citées sont totalement incapables, et tant mieux pour eux, quelque part, car ils se feraient de toute façon fracasser par le premier arien venu. Naturellement, mon témoignage n'a rien d'exhaustif, et j'invite les membres du forum Europe Écologie Les Brins à en discuter et à en débattre autour de ce sujet passionnant, amitié participative à Hitler, Charles Martel. Alors, merci à Charles Martel pour son témoignage, je suis content d'avoir un pratiquant de ce sport qui a pu nous donner comme ça un bref aperçu de ce dont il retourne, ne serait-ce que pour éveiller la curiosité parmi nos auditeurs, et éventuellement même d'autres praticiens hein, qui auraient des choses à rajouter, à préciser. Moi, je suis vraiment preneur, je veux qu'on en parle davantage, si vous voulez, du béhour et même des autres sports dont il a parlé, les sports historiques européens, ou arts martiaux historiques européens, très intéressant. Il y a aussi une autre pratique, alors qui pour le coup ne relève pas de l'art martial, mais qui relève plus de la reconstitution historique, qui est ce qu'on appelle tout simplement reconstitution historique, où vous appartenez à un groupe d'une période donnée, un groupe de combattants d'une période donnée. Ça peut être, vous pouvez faire un groupe gaulois, vous pouvez faire un groupe germanique, de guerriers germaniques, vous pouvez faire un groupe romain aussi, de légionnaires, etc., etc. Ou même Deuxième Guerre mondiale aussi, ça c'est ce qui est le plus connu, hein. Ceux qui pratiquent ça sont souvent sollicités pour les films, mais c'est aussi vrai d'ailleurs pour les spécialistes de l'époque antique, il y a des tas de choses. Vous allez ceux qui font les reconstitutions, ouais. Alors, les guerres napoléoniennes, aussi, genre, voilà. Un truc assez énorme là-dessus. Hein. Donc si vous êtes des fans, par exemple, de Total War, la fameuse série de jeux, et que c'est pour vous, voilà. Alors s'il y en a aussi qui pratiquent ça, pourquoi pas, j'aimerais en savoir plus. Bref, tout ce qui peut avoir une résonance identitaire historique. Alors revenons-en au béhour, hein, ce que nous en a dit notre auditeur, Charles Martel. Qu'est-ce que vous aimeriez en dire? Alors, vous n'êtes pas des praticiens, forcément, vous êtes comme moi un spectateur, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse ou qui vous frappe quand vous regardez éventuellement des vidéos de compétition de béhour? Alors écoute, vraiment, je connais pas grand chose du tout. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le côté matériel. Parce que j'imagine que ce matériel-là n'est pas fait en série. Et je pense que l'un des aspects de ce sport, du moins plus ou moins en parallèle, c'est de faire le matériel nécessaire. Alors, est-ce que c'est du matériel qui est fait selon les spécificités techniques de l'époque, avec les moyens de l'époque, enfin avec les outils de l'époque, tout ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais en savoir plus à ce niveau. Et 2 mètres, ça fait un beau gaillard quand même, hein, 2 mètres pour 100 kilos. Ah, oui. Alors on est en armure. Là, t'es taillé comme une arbalète, quoi. Parce que 2 mètres, je veux dire, tes performances sont pas forcément impressionnantes pour quelqu'un qui fait de la force athlétique. Mais quand tu commences à taper 2 mètres, plus t'es une arbalète, plus t'as du bras de levier et plus faut tirer, quoi. Ou pousser. Donc là, ça commence à. J'imagine que la gifle doit être violente, quoi. Quand t'es en fin de parcours, quand t'es à la fin du bras de levier, ça doit taper fort. Je crois que tu as des batteurs d'armure encore, hein, enfin, ce qui. Oui. Font, ce genre de. Ah oui, oui, il y en a, bien sûr. Oui, bah, oui, donc ils te font ce type de matériel. C'est de l'art, hein, pour le coup. Hein, ceux qu'ils utilisent ne sont pas, je pense, des pièces d'art, parce qu'elles seraient vraiment très amochées. Mais par contre, elles sont conçues pour le combat, je pense. Mais là, je. Ce qu'on peut trouver, mais ça vous pouvez le voir sur internet, vous pouvez trouver des forgerons qui font des épées comme à l'époque pour le coup. Ouais, mais alors c'est quoi? C'est des artisans qui se sont spécialisés? Ouais. C'est les amateurs de ce sport qui sont obligés de se mettre à l'aspect technique? Parce qu'en fait, quand tu fais ça, je pense que ça englobe forcément autre chose que le sport et la pratique sportive. Forcément, tu vas. Il y a tout un univers autour. Ouais, t'as vraiment tout un univers, et je pense que ce qui m'intéresserait personnellement le plus, ce serait justement l'artisanat traditionnel. Artisanal, ouais. Ouais. Ça doit être fantastique. Il y a, alors c'est dans un tout autre domaine, mais par exemple les charpentiers qui font des charpentes à l'ancienne avec les outils d'époque. Oui. Enfin, il y a des chantiers, hein, il y a l'association, alors pour le coup c'est l'association des charpentiers sans frontières. Faut voir ce qu'ils sont capables de réaliser avec des outils d'époque, c'est magnifique. Enfin, moi, je suis admiratif, quoi. Quand je vois une aussi belle charpente et que je me dis qu'on va la laisser aux nègres, je me dis qu'il faudrait peut-être que je mette au béour, en fait, tout simplement. Alors, je connais pas, je peux pas répondre parce que je suis pas versé là-dedans, donc je peux pas répondre malheureusement. Mais la question est posée, et s'il y a des praticiens ou si simplement Charles Martel a envie de nous répondre, nous expliquer comment Charles a forgé son martel, eh ben, on est preneur. Bah, ça pourrait faire l'objet d'un post, je pense, sur le forum. Oui, aussi, tout à fait, s'il y a des gens qui connaissent. Bah ouais, qui n'hésite pas, notre camarade, parce que on en a parlé une fois ici, mais en privé, et qu'effectivement, que tout ce qui est européen qui fait appeler l'imaginaire européen allait être dégueulassé par les gauchistes et par les cosmopolites. Donc on se demandait si effectivement dans le Béour il n'y avait pas la volonté de quelques mairies, quelques fédérations, quelques politiques à la con de nous inclure du nègre. Hein, du nègre le nouveau Lancelot. Hein, je sais pas si. Vous vous souvenez, il y avait un. Alors en fait, il y a un truc qui m'intéresse parce que. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse. Un truc que je voudrais faire observer, c'est que la livrée que portent les combattants français lors des tournois internationaux, c'est la fleur de lys. Et c'est normal. C'est normal que ce soit aux couleurs du roi de France. Donc c'est la fleur de lys. Sur fond bleu, bon, je connais pas les termes techniques parce que je suis pas versé en armoirie, mais bon, vous comprenez. Et ce n'est pas du tout le tricolore. Sur fond azur. Mais on dit pas ils sont pas en tricolore, Dieu merci, parce que à titre personnel, je trouve que le tricolore, ça marche pas, les couleurs marchent pas. Ce drapeau, je trouve, ne fonctionne pas. Alors que le drapeau à fleur de lys fonctionne formidablement. Et ça ne peut que déplaire aux autorités républicaines. Vous imaginez bien. Une équipe nationale française qui porte des fleurs de lys, mon Dieu, la République est en danger. Ah, mais donc, attends, je veux dire, là, ce serait vraiment abusé. Je veux dire, c'est parfaitement normal que quand tu fais un sport du Moyen-Âge, t'es une fleur de lys. Enfin, je sais pas, ça me semble. Alors, oui, mais c'est parce que tu raisonnes normalement. Mais tu raisonnes en tant que français, Magdal. Raisonne en tant que français. Il faut que tu n'oublies. Mets-toi à la place d'un responsable, d'un bureaucrate républicain au ministère des Sports, membre bien évidemment du Grand Orient de France, qui voit une fleur de lys. Quel est son réflexe ? C'est de vouloir remplacer ça par un drapeau tricolore, hein, une livrée tricolore. Voilà. Non. Et... Avant, il crie. Il convulse. Ah oui, oui. Avant de vouloir remplacer. Tout à fait. Et pour les nègres, bah écoute, en fait, si ça te veut... Bon, ça va, c'est un sport qui est quand même essentiellement porté par des amateurs. Donc, voilà, c'est eux les locomotives, c'est la société civile, en fait, qui pousse ça. Donc, vous n'avez pas toute cette structuration qu'on peut retrouver dans d'autres sports qui, par définition, se politisent. C'est-à-dire qui tombent sous la coupe des politiciens et des décisionnaires... du gouvernement, donc voilà, mais il y aurait très certainement la tentation, mais voilà, moi je regarde des fois des tournois, je suis pas versé là-dedans, je suis pas un spécialiste, quoi, mais je regarde des tournois, et c'est toujours, c'est rafraîchissant, je veux dire, c'est rafraîchissant, c'est paradoxal, parce qu'on dirait, mais c'est un sport vachement violent, etc., bon, déjà, il y a sûrement des blessures des fois, mais ça va, ils perdent pas leurs mains. Mais surtout, l'ambiance est européenne. C'est vraiment l'Europe européenne. Ça fait vraiment plaisir. Et voilà, moi, ça me change. Moi, j'aimais bien le rugby, voyez-vous. Ben, j'aime moins maintenant. Parce que c'est... Depuis qu'il coltine des nègres partout, c'est ça ? Bah voilà, parce que bon, c'est voilà, c'est plus, il y a plus la même classe, la même élégance, etc. Il y a des équipes qui la conservent. Mais l'équipe de France, complètement saccagée. Voilà, enfin, c'est... Moi, je retrouve pas mon compte, quoi. Je veux dire, c'est pas juste la performance. Il y a pas que la performance qui m'intéresse, c'est aussi une atmosphère. Voilà. Donc, c'est vrai que le BO renvoie sur. C'est une fenêtre. Qui voulait parler là ? J'ai pas. Ouais, pardon, je voulais dire que quand on regarde un spectacle, il y a une part d'identification nécessaire. On a envie de se reconnaître dans les gens qui pratiquent ce sport. Absolument. Absolument. C'est un moyen de se reconnecter. Et donc le béour, c'est une façon de à la fois pratiquer un art martial, quelque chose de très physique. Vous avez entendu notre auditeur qui me dit, voilà, bon, si vous n'avez pas de physique, bon, ne perdez pas votre temps parce que vous n'y arriverez pas. Mais c'est aussi un moyen de comme tu l'as bien dit, Magda, à partir du moment où vous avez besoin d'un armement, et ça, vous allez forcément vous retourner vers un artisan. Voilà, j'ai besoin d'une épée, j'ai besoin d'une armure, j'ai besoin d'une cotte de maille... On peut trouver des cotes de maille toutes faites, hein, je veux dire industriellement, mais je crois pas qu'on fasse. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui produisent des cotes de maille, sauf quelques rares artisans, mais qui produisent des cotes de maille intégrales, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais bon, c'est possible. Mais disons que vous allez découvrir un univers complet, en fait. Un univers complet. Et puis le Moyen-Âge, c'est quand même 1000 ans, hein. Donc c'est vrai que c'est 1000 ans. Comment dire, quand on regarde ces gens, on se les imagine plus avec des armures de la toute fin du Moyen-Âge. Oui, c'est ça. Et des armures de plate type 15e. C'était ouais. Déjà avec des techniques. Enfin, les techniques avaient déjà évolué à l'époque en termes de fondre des métaux. On faisait fondre à bleu, hein, déjà. Donc, tout ça est absolument passionnant. J'espère de tout cœur que la droite patriotarde et républicaine ne va pas nous foutre du nègre pour conserver les valeurs de la République. Trouveront-ils le Patrice Carteron du Béour ? Ah oui, ouais, bah, si. J'ai peur, si tu veux, que cette émission arrive aux oreilles de certains et que qu'on voit d'ici la fin de l'année Patrice Carteron en armure. Je pense que ça va arriver. C'est l'effet papillon. Hein, ça... C'est le chevalier malien. Ouais, tout est possible. Surtout compte tenu des capacités... Impossible n'est pas français, Gandalf. C'est certain, c'est d'autant que tu as des capacités de divination qui me stupéfient. Donc, Oui, moi aussi, malheureusement. C'est, ouais. Je me fais peur parfois. Moi aussi. Tu me fais peur parfois. Moi, j'ai un truc qui m'intéresse, c'est le niveau quand même des possibles traumatismes, hein, parce que je veux dire le. Ah, il y en a, ouais. Ouais, parce que t'as beau être protégé, du point de vue interne, ça l'est pas forcément, quoi. Ah oui, non. Ouais, même si l'auditeur là, il fait 2 mètres et puis je sais plus combien de kilos. Enfin, je suis désolé, mais tu te prends un coup d'une arme, même non létale, sur je sais pas le poignet ou même les doigts, même protégé. Enfin, on parlait de blessure, mais je sais pas comment ils s'en sortent. Hein. Ah, tu prends du choc, hein. Tu prends du choc. Je pense que, ouais, quand un sport commence, t'as toujours plein de blessures. Quand il commence à se développer, tu t'en as moins, mais à mon avis, faut être violent, quoi. Faut aimer se taper le front les uns contre les autres. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de rugbyman dedans. Ouais, puis des mecs qui font de la force athlétique, du powerlifting. Je pense que ça doit demander une VMA absolument phénoménale, ce sport. Je pense qu'il ne doit pas y avoir de VMA plus forte dans n'importe quel sport, parce que tu dois avoir le cardio qui explose et le volume d'oxygène également. L'ambiance doit être vraiment géniale dans les grands tournois, parce que moi, quand je vois la disposition, ils recréent, vous savez, les arènes que. Pas tout le temps, mais notamment en Europe de l'Est, ils essayent de recréer les arènes traditionnelles, vous savez, avec les gradins en bois parfois. Ça a de la gueule, hein, ça. C'est bien sympathique, hein, on se replonge, quoi. Hein. Enfin, en tout cas, moi, ça a un effet immédiat sur moi, quoi. Donc voilà, moi je me dis, c'est bien sympathique à pratiquer. Si vous n'avez pas le physique, comme l'a dit Charles Martel, bon, c'est pas la peine, quoi. Donc, je suis pas sûr que je tiendrai très longtemps. Mais bon. Bah, quand tu regardes les vidéos, il y a différents types de gabarits et différents types de d'armes. T'en as qui ont des armes courtes, qui ont plutôt des armes longues et qui vont taper de haut en bas. Il y a de la hache, hein. Ouais, je pense que tu dois avoir des gabarits plus près du sol, qui ont un centre de gravité différent. Ouais. Et vu que le but, c'est quand même de faire tomber l'adversaire, j'en sais, je pense qu'un type trapu, malin et surtout opiniâtre, je pense qu'il faut avoir un esprit de bulldog. Pour faire ce sport, faut rien lâcher, quoi. Faut avoir un mental très exigeant. Je pense qu'un gabarit plus petit pourrait trouver son bonheur. Après, effectivement, il y aura peu de chances de rivaliser face au Golgoth de 2 mètres. Face au. Comment il s'appelle ce sportif de force, Thor. Alftar. Celui qui fait la montagne dans Game of Thrones. J'ai oublié son nom. C'est une série que je n'ai pas visionnée. Bon, c'est un. Ouais, il a un nom à coucher dehors, de toute façon. Oui. Ouais, le Islandais, là, oui, on l'appelle Thor. Ouais, mais c'est, ça n'a pas l'air d'être un. Le Béor, ça n'a pas l'air d'être un sport, comme tu dis, hein, je te rejoins, d'être débile, quoi. C'est pas juste en mode bourrin. Moi, d'après ce que j'ai vu, encore une fois, c'est une expérience de youtubeurs, hein, donc ça vole pas très haut. Hein. Si les types, ils font tous plus de 20 kilos et une tête de plus que moi, j'ai pas l'intérêt de participer à ça. Mais enfin, il y a un côté stratégique, en tout cas, dans ce sport. Et ils essayent de faire volontairement une infériorité numérique dans un coin particulier du terrain pour pouvoir construire une autre supériorité numérique dans un autre coin et avoir l'avantage. Ça n'a pas l'air débile du tout, quoi. Il y a vraiment un petit côté stratégique, effet de groupe, comme pour le rugby. C'est intéressant. Ouais, c'est comme dans les MMORPG. Je pense qu'il y avoir des gens qui doivent faire office de tank. Les tanks, les healers, les DPS. Les types de 2m03, 103 kilos, ils doivent faire un peu office de tank, je pense, le temps que les autres se réorganisent. Bah, il y a un peu ce côté-là. Il y a des jeux comme ça. Ouais, je pense. C'est un peu. Bon, c'est tout ça crée un environnement culturel. Voilà, il y a des jeux vidéo, vous savez là, où vous êtes un chevalier, vous pouvez jouer en online, quoi, en groupe, et vous êtes un chevalier, votre épée, quoi. Et j'ai oublié le nom de ce jeu d'ailleurs. Il est assez récent, il a pas 2 ans. Hein. Et ouais, celui qui s'est déjà fait critiquer. Il s'est fait critiquer dès sa sortie. Non, c'est encore un autre. Il y avait un jeu d'action-aventure, donc jeu de rôle, quoi, donc, qui effectivement avait attaqué par les gauchistes et qui se passait en Tchéquie, donc en Bohème, au Moyen-Âge. Mais celui dont je parle là, c'est vraiment. C'est bataille massive, mais en armure et en épée. Voilà, vous êtes avec une équipe et il faut gagner la bataille et tout. C'est assez rigolo. Voilà, c'est un peu ce milieu-là. Et ce milieu-là, enfin ce milieu culturel-là, on va dire néo-médiéval, d'inspiration néo-médiévale, fait vraiment chier, en fait. Je vais pas dire les gauchistes, là je parle plutôt des élites culturelles dominantes, si vous voulez, que vous allez retrouver, y compris, qui essayent d'influencer le jeu vidéo, qui vont essayer d'influencer le sport, etc. Parce qu'ils savent bien que les gens qui vont vers ça sont des blancs énervés. Alors, je pense que ça dépend, parce que l'étudiant médiéviste moyen est mélanchoniste. Ça, je te garantis. L'étudiant médiéviste, je parle pas de ça. L'étudiant médiéviste est excessivement gauchiste. Non, je parle pas des blancs. Mais bon, mais c'est quand même eux, tu vois, qui risquent d'influencer d'une façon ou d'une autre l'imaginaire médiéval dans les années à venir, tu vois. Par le haut, mais. Bah, j'espère pas. Non, mais il y a une quête identitaire. Il y a une quête identitaire qui. C'est-à-dire que quand tu t'intéresses un petit peu à ça, ça traduit quand même toujours un peu la même démarche, c'est-à-dire que quand Tolkien il va se mettre à écrire Le Seigneur des Anneaux, une de ses principales sources d'inspiration, ça va être le Moyen-Âge. C'est constant, en fait. C'est constant. Il y a un besoin de retourner, notamment, pas exclusivement, mais notamment à cette période, qui est une période... j'allais dire de cristallisation, en fait, de l'imaginaire européen, parce que c'est un pont entre la période moderne, contemporaine, et l'Antiquité, notamment l'Antiquité païenne, en fait. Et pendant ces 1000 ans-là, il y a toute une série d'archétypes qui vont se fixer dans la littérature, qui vont se fixer dans les contes et les chants populaires. Et ça ne peut pas être complètement oblitéré. Et c'est pour ça que ça reste, malgré tout, dans l'inconscient collectif, toujours présent. Obéré, quand... tu voulais dire. Oblitéré, ouais. Oblitéré, c'est-à-dire vraiment détruire. Ouais, ouais. Et comment dirais-je, on voit que dans le jeu vidéo, je veux dire, le jeu vidéo, je sais pas, il y a 50 ans, vous auriez dit, on va faire des jeux sur le Moyen-Âge. Hein, ah bon, voilà, Donjons et Dragons dont on a parlé, et sans surprise, ce qu'on avait dit dans l'émission précédente, il y a 2 semaines, je crois, ouais. L'effort de destruction, justement, de ces jeux-là, par exemple, de Donjons et Dragons, voilà, qui réactivaient chez les jeunes blancs, les gosses blancs, des archétypes qui sont fixés génération après génération pour utiliser cette énergie, cet imaginaire, et la réorienter vers l'idéologie en place, qui est intégralement focalisée sur la destruction des Blancs. Le métissage de l'elfe et de l'orque. C'est ça. Le but, c'est de détruire l'imaginaire européen pour que les Européens n'aient pas de conscience collective. Je voyais un film récent, là, c'est 2019, hein, en Grande-Bretagne, qui reprend le mythe arthurien. Mais pour les gamins, c'est fait pour un public de gosses, un public familial, quoi. Donc, c'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est un gosse, il est en école primaire, et en fait, il trouve l'épée, vous savez, dans le rocher, quoi, comme Arthur. Donc, en fait, c'est une actualisation du mythe arthurien. Pourquoi pas ? C'est très bien. Sauf que quand vous regardez la composition raciale du film, c'est des Indiens, c'est des Paquis, c'est des Jamaïcains, etc., avec quelques Blancs. Donc en fait, ouais. C'est pas fait pour... C'est vachement vicieux. Le but, en réalité, n'est pas d'activer le mythe arthurien, c'est-à-dire que le mythe arthurien a toujours été, négro-pakistanais, quoi, vous voyez. Ils font un effort là-dessus. Ils font un effort là-dessus. Pour ne citer que ça, parce que vous parliez du Lancelot nègre, oui, c'est caricatural, hein, bien sûr. Attends, je te rappelle que son historien Jamel Debbouze, l'islam est en France depuis au moins 3000 ans. Tout à fait. Oui, la Jeanne d'Arc métisse. Alors, je note une chose quand même sur ce point. La Jeanne d'Arc métisse de Philippe de Villiers et de Charlotte d'Ornolas. Je tiens à souligner une chose, c'est qu'au moins les Britanniques cantonnent leur Lancelot subsaharien au domaine de la fiction. Oui. Les Français ne font pas vraiment de fiction médiévale, déjà d'une part, et surtout de fiction médiévale revue et corrigée à l'aune de l'idéologie politiquement correcte. C'est un fait. C'est pas que l'intention n'y est pas, c'est simplement que les moyens n'y sont pas. En revanche, les reconstitutions historiques in situ, par la droite catholique, alors, sont déjà très en avance sur leur temps, puisque, comme tu l'as bien dit, nous avons maintenant des mulâtresses polono... polono-béninoises. Béninoises, voilà, béninoises, pour incarner Jeanne d'Arc. Voilà, on en a souvent parlé dans l'émission, ça fait rire tout le monde, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc, on fait pas de film sur Jeanne... avec une Jeanne d'Arc mulâtre. Pas encore. Doit bien y avoir quelques producteurs ashkénazes qui y songent. Par contre, on fait la reconstitution carrément avec ça, quoi. Ouais. Oui, alors, la différence aussi, c'est que les anglo-saxons font énormément de films historiques. Oui. Des films et des séries qui sont très connues. Ouais, c'est leur domaine. Hein, ouais. C'est leur domaine, des romans historiques en tout genre, ils adorent ça. Nous, en France, quand on fait un film historique, le dernier film historique que j'ai vu, alors, je l'ai vu au cinéma, on m'a quasiment forcé à aller le voir. C'était une romance entre deux lesbiennes au XVIIIe siècle. T'as le titre du film ? Portrait de la jeune fille en feu. Tu vas voir des films bizarres aussi, Magda. Avec c'est curieux. Avec ma copine de l'époque, je te garantis que c'était une plongée dans les ténèbres. Mais le français est très... très, très, très féru de ces époques-là, surtout la française. Attends. Ça peut être ça, là. Cette époque-là est terminée, cher cardinal. Parce qu'à une époque, effectivement, t'avais du cul qui était montré dans des films historiques. C'était français, c'était grivois, c'était marrant, tu vois. Et dentelles qui volaient un peu partout. La lavandière qui se faisait culbuter par le chevalier. T'as un exemple, ça, c'est rigolo. De films comme ça? Bah, je sais pas, tu vois. Alors, pas dans mon domaine médiéval, mais la... fête s'amuse, tu vois, que la fête commence. Que la fête commence, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bon. Ça va, enfin, les scènes en question sont pas, c'est pas du porno, hein. Oui, enfin, ça, tu sais, ça montre quand même des noceurs, oui. Y a une paire de films qui ont été faits sur Louis XIV, sans parler, tu vois, de tout le cinéma italien des années 70. Ça, oui, non, mais ça, c'est pas surprenant. Bon, voilà, quoi. Bon, ça, c'est autre chose, d'accord. C'est autre chose, mais bon. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Alors que maintenant, non. C'est-à-dire qu'ils font un film, ils vont t'insérer de la morale féministe moderne dans le... Ah oui, du puritanisme lesbien, c'est ce que tu veux dire, quoi. Puritanisme lesbien. Alors, j'ai vu ce truc, j'en ai des surfroides encore. Tu sais, quand t'es dans un cinéma, tu sais, t'as la clim qui est un peu trop forte, t'as un mélange de chaud et de froid, et le truc, là. Alors, l'histoire, c'est une lesbienne, supposée lesbienne, qui doit se faire peindre par une autre lesbienne pour qu'elle envoie la toile à son futur mari. Mmh. Et c'est un drame, effectivement, c'est un drame. Et j'ai appris assez récemment, bien après avoir vu le film, que c'était considéré comme un chef-d'œuvre féministe. Et que ça a totalement révolutionné le genre du cinéma. Bon. Il y a même des... Je l'ignorais. Eh oui, exactement. Il y a même des artistes subventionnés, hein, des profs de cinéma, dans je ne sais quelle fac à la con, qui ont écrit là-dessus. Ça s'appelle le female gaze, c'est-à-dire le regard féminin. Putain. Oh putain. Non, mais attends. Oh, maman. Tu vas avoir des divertissements qui m'inquiètent, Magda, vraiment. Non, mais il a subi. C'est subi. Bon. J'ai l'impression que tu t'es converti au judaïsme, Magda. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'avais été pour aller voir le film et avec quelqu'un. Hein. J'étais pas tout seul, évidemment, pour voir ce navet. Mais ça m'a quand même donné un bon aperçu du cinéma français. Et bon, je trouve que c'est quand même bizarre que la France qui subventionne le cinéma comme aucun autre pays ne le fait et qui a une histoire qui est quand même excessivement riche ne fasse pas autre chose en termes de cinéma historique. C'est absolument normal. La subvention du cinéma est faite pour saloper l'esprit des gens. Et pour engraisser les producteurs juifs, ça n'a pas d'autre fonction, tout à fait. Alors, on s'est un petit peu écarté du sujet de départ qui est le sport de combat, qui est le Béhour, mais on était quand même sur le, comment dirais-je, le, en fait, le romantisme, hein, d'une manière générale. Et ce romantisme, cet appel romantique est salopé par, par toujours les mêmes, hein, bien sûr, qui veulent empêcher l'homme blanc de renouer avec son passé, son identité profonde, les archétypes de sa race. Voilà, c'est très important à comprendre. Alors, merci à Charles Martel, hein, pour son témoignage. Il y a eu un certain nombre de questions, MacDav en a posé. Donc, si soit Charles Martel peut offrir des précisions ou d'autres, que ce soit sur le forum EELB ou bien que ce soit par le moyen d'un courrier, eh bien, ce serait avec plaisir. Voilà, pour que les autres auditeurs aussi comprennent de quoi ils retournent. Peut-être qu'ils seront intéressés et vous aurez peut-être des nouveaux pratiquants. Allez savoir. Alors messieurs, je vous propose de passer à la rubrique numéro 2 et c'est autisme radical. Alors c'est du carabinet messieurs, c'est du carabinet, c'est historiquement carabiné. Je vais parler du baccalauréat 2020, un millésime qui probablement restera dans les annales, et n'allez pas y voir de mauvais jeu de mots ici. Je vous livre cet article du Monde. Près de 96% des 745 900 candidats au baccalauréat 2020 ont été reçus au terme de la première session de rattrapage, soit 7,6 points de plus qu'en 2019, a annoncé samedi 11 juillet le ministère de l'éducation nationale. Les élèves ayant eu le bac du premier coup étaient 91,5%, un record absolu pour cette session exceptionnelle. En raison de la crise du coronavirus, les épreuves finales ont été supprimées et seules ont compté les notes des premiers et deuxième trimestres pour la délivrance de l'examen. Dans le détail, les lycéens en filière générale sont à 98,4% à avoir obtenu leur bac contre 91,2% en 2019. Pour les baccalauréats technologiques, le nombre de diplômés atteint 95,7% contre 88,1% l'année précédente. Enfin, 90,7% des candidats au baccalauréat professionnel ont obtenu leur diplôme contre 82,3% en 2019. Depuis 1995 au moins, il n'y a jamais eu autant de candidats décrocher le baccalauréat à l'issue d'épreuves de rattrapage. Les résultats définitifs seront connus en septembre. Environ 40 000 élèves, dont la note finale était comprise entre 8 et 10, ont néanmoins dû passer un rattrapage, avait indiqué vendredi le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui décidément excelle. Avant les résultats finaux, la proportion de bacheliers dans une génération s'établit à 86,6% en 2020, plus 6,9%, pratiquement 7, par rapport à juin 2019, indique le communiqué du ministère. Cette proportion augmente le plus fortement dans la voie générale, plus 3,6%, plus modérément dans les voies technologiques et professionnelles, respectivement, plus 1,4 et plus 1,9 points. Avec ce nombre record de bacheliers, la question se pose de l'inscription dans les filières du supérieur. Il y a un travail personnalisé avec chaque élève, ce qu'on appelle les commissions rectorales, avait indiqué Jean-Michel Blanquer vendredi. Nous gardons avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, l'objectif que chacun trouve une solution. Alors messieurs, moi j'ai envie de dire bravo, c'est extraordinaire, il nous a fallu plus d'un siècle pour parvenir à un tel niveau d'excellence, comme quoi les efforts paient. Qu'est-ce que vous en pensez? Fantastique, non, vas-y Cardinal. Mais pour, moi j'ai une question, c'est pourquoi ils ne donnent pas d'emblée à tout le monde? Ouais, non, mais c'est un sabotage, hein, qui est fait à cette génération. Bon, là c'est particulier parce qu'il y a le Covid et compagnie, mais de manière générale, depuis ces dernières années, le bac il n'existe plus, etc. C'est mettre sur le même plan des choses qui ne le sont pas. Donc c'est le dogme de l'égalité. Et là-dedans, tu vas avoir des gens talentueux Oui. qui n'ont pas forcément les codes. Les codes, c'est-à-dire avoir des parents profs, par exemple, hein, Oui. pour pouvoir se démerder dans ce fatras talmudique. Hein, vraiment, c'est le truc, le post-bac, là, depuis qu'ils ont fait la réforme, c'est délirant. Donc bon, ben, on a ça, quoi. On a des gens, des bons gars, des Français et des Françaises qui vont être sacrifiés par cet égalitarisme forcené. Hein. Tout le monde a le bac, donc ben, personne ne l'a, Oui, ça arrive à voilà, c'est rien. ça. Et là-dedans vont se démerder les combinards, hein, les rats de l'administration qui vont trouver quelque chose pour se raccrocher aux branches. Donc ouais, Ouais. c'est dramatique, c'est dramatique cette histoire, dramatique. En fait, c'est le pire de l'égalitarisme, hein. Ben oui, En fait, quand les gens s'interrogent, l'égalisme, c'est le c'est truc. quoi l'égalité et pourquoi nous, ici, on est si férocement opposés à l'égalité, à l'égalitarisme, bah, vous avez la démonstration sous les yeux. C'est-à-dire que ça, c'est l'égalité républicaine la plus parfaite, hein. Tout le monde a le bac, pratiquement. 98,4% dans le général, enfin, c'est une blague, quoi. Bon, tout le monde l'a. Donc, c'est-à-dire que Bah, le sauf type. les mecs, là, le mec qui a pas eu son bac, si tu veux, il a fallu qu'il bouffe sa copie, carrément, tu vois. Il dit, ah bah, non, je la rends pas, je l'ai mangée. Excuse-moi, je l'ai mangée. Lui, il n'a Oui, pas eu ça le devait bac. demander plus En fait. d'efforts de ne pas avoir le bac que de l'avoir, en fait. Ouais, Oui, les mecs, ils ont ou fait alors ils exprès. étaient Hein. carrément absents, enfin, ils sont carrément pas venus, quoi. Hein. Je veux dire, Oui, c'est. ou Ce qui est mort. propre, c'est que c'est des gens inscrits en début d'année qui n'ont pas du tout suivi, qui ont Ouais. complètement décroché, etc. Mais on pourrait établir un parallèle entre le bac donné à quasiment tout le monde et le vote républicain aussi accordé à tout le monde, que l'on soit quelqu'un de très brillant ou que l'on soit. Alors je sais qu'on peut perdre ses droits civiques, c'est-à-dire si on est condamné, on pourrait ne plus pouvoir voter, mais je ne sais pas si ça se fait toujours. Moi, j'ai Euh, plus de mais droits c'est civiques. Ça se fait collectif ça. toujours. Moi, j'ai plus de droits civiques, moi. Ah. Ouais, moi, je suis un cas particulier. D'accord. Donc, tu n'es pas républicain au sens français du terme. Voilà, bah écoutez, oui, non, ce qui est certain, c'est que quand on baisse les exigences, bah oui, ça c'est une vision égalitariste, mais quand on n'a aucune exigence, ça veut dire que ce qui n'est pas fait dans les écoles, est fait dans les familles. Or, il y a des familles qui sont plus ou moins cultivées, ou alors qui, pour orienter leurs gamins, ont les combines, d'Eric en a parlé un peu, connaissent bien les filières et tout ça. Donc, finalement, c'est rendre service à pas grand monde, c'est rendre service. Oui, enfin, ça va permettre précisément une reproduction des élites, tout simplement. Oui, c'est-à-dire La qu'en fait, production des castes. c'est une fausse. T'as bien raison de pointer ça du doigt. C'est une fausse égalité. C'est une égalité nominale. Et c'est en ça que l'égalitarisme est extrêmement pervers. Tout le monde est mis au plan facial, si l'on veut, au même plan. Donc, tout le monde a le bac. Mais vous en faites pas. Quand vous allez vouloir ensuite rentrer dans l'enseignement supérieur, pas en tant qu'enseignant bien sûr, mais en tant qu'élève, vous n'allez pas être jugé sur votre bac. Vous allez être jugé sur quoi? Sur vos notes. D'où vous venez? C'était quoi votre établissement précédent? Qu'est-ce que vous avez fait au long de l'année? Ils vont étudier ce qu'on appelle votre dossier. Mention, bien sûr, les Bien mentions. sûr, voilà. Donc en fait, il y aura bien évidemment un tri, un filtre, qui sera un filtre. Alors, si on efface totalement le filtre, on va dire, relativement objectif, équitable, de la note mise par, bon, on va dire, des professeurs, je veux dire, mais bon, vu la qualité du professeur aujourd'hui, c'est à interroger. Mais bon, jadis, vous aviez des professeurs qui étaient assez sérieux, qui mettaient des notes, pas comme ça, parce qu'ils en avaient envie, ou parce qu'ils avaient reçu des consignes du rectorat, mais parce que les élèves étaient bons. Là, je parle d'il y a 40 ans ou 50 ans en arrière. Bien. On faisait confiance à celui qui avait reçu le baccalauréat, on disait, oui, c'est quelqu'un qui a une certaine qualité. On va regarder quand même voilà, son dossier, quelle note il a eu, etc. Voilà. Mais faut pas rêver, ceux qui ont un bac aujourd'hui, ils disent, voilà, on l'a, ça y est, c'est le sésame. Non, c'est le sésame de rien. Les critères d'évaluation, les critères de sélection, les critères de ségrégation s'exerceront par un autre moyen. Donc c'est un tour de passe-passe des politiciens. C'est là qu'il faut quand même relever à quel point les politiciens sont doués pour détruire l'ordre social. Enfin, c'est assez fascinant. Donc Blanquer, moi je regarde la nature des communiqués du ministère de l'Éducation, enfin, c'est triomphal, quoi. Moi j'ai l'impression de... J'ai l'impression de lire des communiqués de la Corée du Nord, hein, disons. Non, mais c'est ça, quoi. On a l'impression que, voilà, là, le Graal, on a réussi à obtenir le truc. Non, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça devient même un sketch. Ça devient un sketch. Et personne ne s'en offusque. Personne ne s'en offusque. Et ce qui me peut être... Le plus cocasse dans tout ça, c'est que Blanquer était étiqueté réactionnaire. Ah oui, je pense que les profs pensent qu'il est... Oui, d'une droite dure. Trop, oui. Pas droite. Hein. Ah, oui, voilà, oui. Qui voulait restaurer un semblant de méritocratie, etc. C'est voilà. Alors, pour en revenir donc sur l'égalité nominale de ce résultat, c'est que beaucoup de fils de bourgeois, de grands bourgeois, aussi, vont pouvoir accéder aux grandes écoles, rassurez-vous. Et ils pourront continuer à être des progressistes, patentés, voilà, et à saloper le reste du pays. Pendant que des prolos brillants, parce qu'ils viennent peut-être d'un établissement qui est truffé de tocards, seront considérés eux-mêmes, par amalgame, pardonnez-moi ce terme qui est aujourd'hui galvaudé, mais comme des tocards. Et là, c'est très injuste. C'est très, très injuste. C'est très injuste. Je suis en train de regarder le taux de mention très bien dans les grands lycées. Enfin, c'est soviétique. Hein. On atteint... ah ouais, carrément. 83, même les mentions... 83%. Alors, je crois que le nombre de mentions très bien au bac, ouais. Il a été multiplié de 1980 à 2005 par 25. Ah ouais, non. Ah bah ouais, tout va bien alors. Tu vois, il a été ça va de mieux en mieux. Alors, ça, c'est depuis 2015. Mmh. Je pense qu'entre 2015 et 2020, les choses ont encore évolué. Le problème aussi, c'est à un moment donné, il faut le dire, ces grands lycées-là, qu'ils soient publics ou privés, Henri IV, Stan et compagnie, je veux dire, il faut quand même avoir la possibilité d'en être. C'est comme l'école alsacienne, si t'as pas le numéro de... Enfin, si t'as pas le... Ouais. Le réseau pour envoyer ton gamin, bah tu vas pas l'envoyer. Bien à sûr. Une époque, la République, quoi qu'on puisse dire d'elle, était capable de prendre un gamin dans une paroisse qu'on estimait doué et de lui faire grimper les échelons sociaux. Alors c'était peut-être dans l'Église, mais au moins ça aboutissait à quelque chose. Les jésuites ont fait la même chose, ils continuent de le faire, et l'Église catholique l'a fait pendant des années, pendant des siècles. L'Église catholique, alors pas tout le temps, mais elle a contribué au brassage des élites. Bah déjà, on commence à parler de l'alphabétisation, c'est-à-dire qu'ils ont appris les rudiments, c'est apprendre à lire et à compter, les choses simples à la vie ont souvent été apprises par des religieux. Oui, absolument, et cette République n'en est plus capable. Et moi, en fait, je mets à la place des petits blancs qui sont dans des lycées truffés de nègres, truffé de bougnoul et qui parce que je veux dire se voit obligé de se mettre à leur niveau, ouais. De se mettre au niveau des nègres avec des profs gauchistes et en plus dans un système où la plus élevée de grimper l'échelle sociale c'est de bénéficier de la discrimination positive. Ouais. Ça doit être terrible. Je veux dire, moi, pour quelqu'un qui est un peu doué du point de vue général, ça doit être une déception terrible de voir qu'on préférera Mamadou parce qu'il s'appelle Mamadou pour intégrer telle grande école ou telle prépa, plutôt que d'avoir un collège où règne la discipline et ils soient en mesure de travailler. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein, il y a quelque chose qui est assez sidérant, c'est que la condition essentielle pour travailler, c'est la discipline. Regardez, en prépa, on est 40, voire plus que ça, tout le monde bosse, et il n'y a aucun souci à ce niveau. Hein. Alors que dans les classes en REP, là, je crois qu'ils sont 25 ou quelque chose comme ça. Ils veulent faire des mini-classes comme ils font en CP. Et c'est Ouais. totalement ingérable parce que c'est des nègres. Bien sûr. Oui, les Tout types arrivent en simplement. troisième, ils arrivent au collège, ils savent même pas écrire leur nom. Ah non, mais Ça sert à rien, quoi. c'est Ça sert à au-delà de rien. ça. Hein. Moi, j'ai des ingénieurs enfin, qui sortent pas forcément des grandes écoles d'ingénieurs. Quand il t'envoie un mail, Ah oui, voilà. moi je suis pas grammaire nazi entre guillemets. Et par contre, à l'écrit, j'estime que la syntaxe, elle doit être parfaite. À l'oral, je fais des erreurs. Voilà, je suis désolé, même ici, je fais des erreurs, ça m'arrive. Mais alors là, le niveau de syntaxe, on va dire du jeune diplômé moyen, c'est terrifiant, c'est C'est très absolument souvent de terrifiant. l'écriture phonétique, quasiment. Hein. Il confond le sujet et l'objet. Bah, Oui, phonétique, pas forcément, parce que vu que tu as beaucoup de correcteurs d'orthographe, les oui. mots, Oui. ils sont souvent correctement orthographiés. Mais alors, entre les accords et surtout la construction de phrases et la construction de la pensée, c'est très difficile. Et l'une des premières causes de manque de productivité en entreprise, c'est la communication. C'est les erreurs de communication, et la plupart des erreurs de communication, soit c'est des erreurs, enfin des quiproquos de termes, de jargon, soit c'est des incompréhensions de grammaire. Et si tout le monde ne parle pas le même langage, la communication va être de plus en plus difficile. Oui, il va falloir des traducteurs. Et qu'en Non mais plus, genre, réellement. on parle déjà plus le même français. Vraiment, on fait en ce go, c'est que la francophonie, la France qui va régner sur des milliards de nègres. En France déjà, les gens ne parlent plus le même français. Je rebondis sur ce que tu dis rapidement, Laurent Lafort, qui est un ancien médaille Fields, c'est équivalent des prix Nobel pour les jeunes mathématiciens. Lafort, qui a écrit un livre sur le, c'est la débâcle de l'école, je crois, disait qu'une des raisons pour lesquelles le niveau en maths, notamment, baisse, c'est que beaucoup d'élèves ne comprennent pas les termes du sujet. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas construire un raisonnement parce qu'ils ne comprennent même pas ce qui est écrit. Donc les deux sont liés. C'est-à-dire que l'orthographe dont tu parles et la syntaxe, ça reflète un problème de logique que l'on retrouve également partout et notamment dans les mathématiques. Livre écrit en quelle année? Alors, il a eu son prix Nobel, enfin l'équivalent médaille Fields en 2004, je crois, et puis il a écrit son livre dans la foulée, je pense, il y a une douzaine d'années environ. Bon, donc c'est assez frais, quoi. Hein. C'est pas des années 70 ou 80, on est bien d'accord, quoi. Hein. Oh, c'est une déstructuration qui est assez récente, mais on parlait des chiffres du bac, la 96, etc. Oui. Les gens qui ont 50 ans aujourd'hui ou 60 ans, quand ils l'ont passé il y a, mettons, 30, 40 ans, Oui, c'est autre c'était chose. déjà pendant très longtemps, il y avait la nécessité non pas d'avoir 10 sur 20, mais 12 sur 20. Vous me direz les notes, c'est relatif, etc. Ça dépend des critères, mais comment dire, il y avait à peu près une personne sur un bachelier sur deux qui l'obtenait, je crois. Hein. Un élève de terminale sur deux environ pendant très longtemps qui l'obtenait. Bon. Donc ça voulait dire que c'était une certaine exigence, il fallait un certain travail. Si on faisait rien, à moins d'être extrêmement doué, ben on l'avait pas, tout simplement, quoi. Ouais. Bien Quand tu sûr. connais le taux d'échec en première année de licence, alors que même dans les bonnes facs, une licence, ça vaut pas grand-chose. Je crois qu'ils sont à... Dans certaines facs, pour des disciplines qui sont pas forcément très élitistes et qui demandent pas forcément beaucoup de travail, on est à 60-70% d'échecs en première année. C'est exact. Et quant aux gens extrêmement brillants qui, eux, ont réussi, soit par leur talent, soit aussi par l'aide de leur famille, à accéder aux meilleurs prépas, aux meilleures écoles d'ingénieurs, une fois leur formation terminée, ils iront soit dans la haute administration française, soit iront vendre leur talent à l'étranger. Donc, dans les deux cas, ils vont faire partie probablement de systèmes qui ne font pas bénéficier directement à la France, quoi. Bon. Ouais, j'ai une critique de gauche à faire, c'est-à-dire parce que c'est un peu, vous allez comprendre ce que je veux dire. Le fait d'étendre toujours plus Parce que je crois qu'au départ c'était 80%, c'était ça, c'est les socialistes qui avaient décrété ça. 80% d'une classe d'âge devait avoir le bac. C'est Mitterrand qui avait décrété ça et Jack Lang. Je crois pas me tromper, je pense pas. Et bon, maintenant on est très au-dessus puisqu'on est à 98%. Vous avez compris que finalement on va pas tarder à atteindre les 99,99%. Et la gauche utilise ça. La gauche enseignante, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation nationale, qui est à 99% à gauche là aussi, utilise ça comme critère progressiste. Sauf qu'il y a deux façons de voir le problème. C'est-à-dire, est-ce que 99% des gens vont franchir la montagne, ou bien est-ce qu'on va aplanir la montagne pour que 99% des gens puissent passer dessus ? C'est les deux façons d'aborder la question. Et le ministère de l'Éducation, par un tour de passe-passe, prétend que 98% des élèves du général sont devenus des génies qui passent sans aucune difficulté l'obstacle, et qu'on a enfin atteint l'excellence dans l'enseignement. Et ça, c'est une escroquerie, et c'est une escroquerie qui n'est pas une escroquerie... comment dire, je vais reformuler, je veux dire... C'est une escroquerie en ce sens que ce n'est pas un progrès réel. C'est un échec qui est déguisé en progrès. Et je n'entends pas la gauche hurler. La gauche est censée être progressiste, proche du peuple, elle devrait hurler, elle devrait dire « Mais attendez, où sont les résultats tangibles ? Où est l'amélioration quantifiable ?» Truquer les chiffres, c'est pas une politique progressiste. C'est une façon, à peu de frais, de se donner satisfecit. Mais ce n'est pas un résultat. C'est le silence. Bon, j'ai pas entendu la France insoumise, j'ai pas entendu le Parti socialiste hurler en dénonçant le sabotage complet de l'éducation nationale. J'ai rien entendu. Non. Et ça, c'est frappant. Juste. C'est frappant. C'est anti-progressiste. C'est-à-dire que quand on veut s'intéresser au progrès véritable dans les catégories populaires, on n'a pas le compte. Et personne à gauche ne gueule. Au contraire, les mecs s'auto-congratulent. Par corporatisme, en fait, en réalité. Bon. Oui, c'est la dégénérescence de la gauche, parce que pendant très longtemps, ils ont développé un sens plus honnête de l'égalité. C'est-à-dire, peut-être des gens à droite aussi l'ont fait, hein, bien sûr. Mais par exemple l'égalité des chances, c'est-à-dire que vous soyez issu d'un milieu modeste ou d'un milieu riche, que vous ayez tous accès à une certaine forme d'éducation, d'ascension sociale, que vous soyez dans un village ou dans une ville, bon, ça pouvait être démontable, ou alors aussi l'égalité devant la loi, c'est-à-dire que vous soyez pauvre ou riche, paysan ou notaire, que vous puissiez être jugé selon ce que vous avez fait et pas selon votre étiquette sociale. Ça, je pense que c'était convenable. Mais là, effectivement, la gauche est en voie d'extinction, à mon avis, et en perte de vitesse incroyable sur le plan moral et intellectuel. Alors, tu parlais d'égalité des chances, alors il faut savoir ça, faut quand même savoir ça, ce n'est pas un thème à gauche. On parle d'égalité de conditions, à gauche. Pas d'égalité de chances, c'est quelque chose qui récuse catégoriquement. L'égalité des chances, ça ne veut rien dire. L'égalité des chances, il y a l'auto pour ça. L'égalité des chances. La chance est inégalitaire par définition. Oui, mais au sens où que vous soyez dans un milieu très modeste ou pas, que vous ayez accès au moins aux fondamentaux dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire savoir lire, écrire, compter, etc. Sans quoi vous ne pouvez pas vous insérer dans la société. Ça, c'était assez clair. Avec l'égalité à l'accès, en fait, c'est ça que tu veux dire. L'égalité à l'accès, à la possibilité d'une certaine évolution dans la société via l'école. C'est comme ça, c'est ce que je voulais dire. Voilà, mais après la gauche, comme tu dis, a parfois menti en disant nous avons permis le progrès. Et souvent c'est assez faux. Par exemple, il y a un député catholique de droite il y a un siècle environ, je crois même que c'est en 1900, qui s'appelle Albert de Mun, s'écrit M-U-N, qui avait réussi à faire en sorte que le travail des enfants cesse, notamment la nuit. C'est-à-dire que alors que la gauche voulait maintenir pendant très longtemps le travail des gosses. Et donc l'interdiction de l'école pour les catégories les plus pauvres, très jeunes, quoi, et qui les maintenait après dans une forme de servitude, etc. Enfin, voilà, c'était un des points que je voulais souligner, en plus de ceux qui ont été soulignés donc par les autres participants, c'était ce mensonge en fait de la gauche sur la question. Et j'insiste sur ce point-là parce que l'enseignement est cardinal à gauche, dans la formation de la gauche. Puisque, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est important à rappeler. On vit en régime républicain en France, hein. Et en fait, bon, on a la cinquième, bon, mais la quatrième et la troisième, en fait, c'est les mêmes. Bon, il y a des modifications des rapports entre les différents pôles de pouvoir au sein du système républicain, mais on est en République en France depuis 150 ans, grosso modo. Et on avait parlé avec Magda notamment de l'échec de la Seconde République qui avait été très éphémère au fond, qui avait été, enfin, qui avait amené au pouvoir Napoléon III. Et la gauche avait retiré, la gauche républicaine avait retiré de cet échec un certain nombre de leçons, à commencer par celle de l'influence énorme de l'Église catholique sur la société, sur les masses françaises, tout particulièrement les masses paysannes, les masses rurales. Et il s'était dit, bon, nous ne parviendrons pas à une révolution politique avec succès sans avoir opéré une véritable révolution culturelle. Ils avaient compris ça. Ils s'étaient dit, voilà, il faut que nous changions les cœurs et les âmes. Et il faut que nous les arrachions à l'Église catholique, au clergé, qui avait déjà son maillage d'enseignement. Un maillage imparfait, mais qui avait déjà un certain nombre d'écoles. Et donc qui formait les élites. Et c'est là qu'est venu, en 1871, enfin en 75, avec l'avènement officiel de la République, l'école laïque, libre et obligatoire. Vous vous rappelez de ça. Alors que tout le monde en France a dû aller à l'école, même les gens les plus pauvres. Ça a été un vrai progrès, ça c'est indéniable. Mais la gauche républicaine ne l'a pas fait de manière totalement désintéressée. Ils ont bien compris que tous ces petits paysans qu'on allait emmener à l'école, eh bien, allaient être des gens que l'on allait pouvoir exposer à un certain type de discours. Et c'est là que les enseignants sont devenus l'avant-garde du régime républicain et des idées de gauche. C'est devenu pratiquement consubstantiel. Et à la veille de 14, tous les instituteurs sont socialistes, tous, sans exception aucune, pratiquement. Pratiquement. Après la Première Mondiale, ça devient pire, parce qu'un certain nombre d'entre eux, pas tous, mais un certain nombre d'entre eux deviennent communistes. Et là, s'engage, notamment dans l'enseignement supérieur, comment dirais-je, la mainmise du marxisme sur toutes les grandes chaires, sur toutes les grandes universités, et le pourrissement commence. Et on en vient là où nous sommes. C'est-à-dire que plus d'un siècle plus tard, finalement, on n'est plus dans une dynamique de progrès, on est dans une dynamique de régression. Et ça, c'est sous le régime républicain que ça s'est passé, avec une hégémonie complète de la gauche sur l'enseignement. Et si on assiste à la production en masse d'illettrés du tiers-monde en France, c'est d'abord et avant tout aux profs qu'on le doit, aux profs qui sont 95% des profs de gauche. Voilà. Alors, sauf exception, il y en a, mais sauf exception, c'est eux les principaux coupables. Avant même les journalistes, parce que ces journalistes qui parlent comme ils parlent, ils ont bien été formés quelque part, dans les écoles. Avant même les politiciens, la même chose, c'est les profs, la matrice fondamentale de la déchéance en France, la principale matrice. On ne met pas assez en accusation le ministère de l'Éducation nationale et cette espèce de parti communiste, dans le parti communiste qu'on appelle les profs, à mon sens. Donc voilà. Oui, en ajoutant aussi une chose, c'est qu'un certain nombre de gens n'avaient pas leur bac, c'est-à-dire si on avait par exemple 60%, 70%, les jeunes, donc, finalement, bah, un certain nombre arrêteraient au bout d'un certain temps, et donc iraient s'inscrire au chômage. Et là, on leur dit, bon, vous avez votre bac, vous pouvez vous inscrire à la fac. Ouais. Donc ces gens-là ne vont pas s'inscrire à Pôle emploi. Mais quand on dit qu'en France, on a, je sais pas, 3 millions de chômeurs ou n'importe quoi, déjà, c'est que les catégories A. On sait très bien que c'est complètement truqué et qu'il y a énormément de gens qui sont au chômage, notamment chez les jeunes précisément, et que souvent ils s'inscrivent pas à Pôle emploi parce qu'ils n'ont pas encore accès au RSA, parce qu'il faut attendre 25 ans pour l'avoir, si je ne m'abuse. Donc voilà. Ils n'ont pas de métier entre les mains. On ne fait plus de redoublement. Hein. Donc, non. Enfin, si tu analyses un petit peu une classe, tu te dis que bon, il y a forcément une locomotive. Hein. C'est pour ça que bon, quelque part, c'est bien d'avoir des très bons parce qu'ils permettent aux bons d'être meilleurs, enfin de se tirer vers le haut. Mais quand tu arrives à 80, c'est 98,4 dans le général, ouais. Tu te dis que forcément, je sais pas moi, dans une classe de 20, t'as 10%, c'est concrètement des cancres. Enfin, Oui. Et ce que ces gens-là et leur bac, ça doit être quelque chose. Hein. Surtout qu'on, oui, les filières générales, donc c'est quoi ça n'existe plus en plus, je crois, L, E, S et S. Ça n'a pas changé cette histoire. Ce sont des parcours, hein. Des parcours avec des options, ouais, c'est ça. Mais ça revient parcours. Grosso modo à la même chose. Parcours. Mais ça relance aussi un débat, c'est pour les jeunes qui ont 15 ans, etc., et qui s'interrogent, même s'ils sont assez bons pour l'école, c'est de réfléchir, par exemple, à une formation professionnelle assez précoce, quoi, comme le CAP et autres. Parce que si vous êtes très bon dans une filière manuelle, déjà en plus, quand on est apprenti, désormais, on gagne assez bien sa vie. Je crois qu'on gagne 1000 euros maintenant, ça a été beaucoup remonté ces derniers temps. Et après, si vous êtes très bon comme mécanicien et autres, vous pouvez peut-être monter votre garage, et etc. Quoi. Je pense que là, l'idée d'une filière générale, ça commence à prendre du plomb dans l'aile. Quoi. Sauf pour ceux qui seraient vraiment excellents. Quoi. Alors, c'est plus du plomb, là, c'est la DCR. Hein. Non, mais imagine un nègre qui a, je sais pas moi, un quotient intellectuel légèrement supérieur à celui de sa race, qui a un quotient intellectuel à 100, c'est-à-dire la moyenne des blancs. Qui est à peu près structuré. Il arrive, on lui donne une mention au bac. Il arrive à faire des études supérieures. Et si ce type-là se prend pour un génie, il va se prendre pour Eddy Malou. Imagine, il n'y en a pas un des types comme ça, tu vois, parce que c'est pas des exceptions. C'est tellement facile. Alors je tiens à rappeler ici, j'attire ton attention sur un fait très important, c'est qu'à la Sorbonne, il est maintenant interdit de noter en dessous de 10, par la loi. Hein. Imagine tous ces nègres qui arrivent diplômés. En plus de ça, c'est beaucoup plus facile quand tu viens de banlieue d'avoir accès totalement aux études supérieures que quand tu viens de la campagne. Premièrement, pour des raisons géographiques, quand tes deux parents gagnent le SMIC, bon courage pour aller payer un appartement en plein centre de Paris, hein, c'est, je pense, impossible, infaisable. Mais alors là, tous ces gens vont être persuadés de faire partie de l'élite de ce pays. Hein. Alors, si jamais, en plus de ça, les républicains leur font croire, moi je plains, c'est la génération des petits blancs qui va se voir imposer des Français qui vont se prendre pour l'élite, alors qu'ils ne parlent même pas français. Ça va être quelque chose de terrible. Bah, si ça continue comme ça, on risque bien un jour de récolter un porte-parole du gouvernement qui serait une Sénégalaise idiote en surpoids. Ça pourrait arriver. Ouais, mais ça va déjà. Ah bon, non, ce qu'on va avoir, c'est des fonctionnaires administratifs dans la fonction territoriale, je sais pas, par exemple, départements, les mairies, etc. Les préfets, moi, j'aime bien préfet aussi, moi. Oui, mais alors ça, c'est national, du coup, mais oui. Non, mais c'est bien. Ça sera des espèces de macaques. Voilà, des despotes. Des despotes orientaux, des cannibales. Entre les cannibales et les despotes orientaux, ça va être difficile de se frayer un chemin, si tu veux. Oui. Dedans, quand on est blanc. Et en fait, dans la France en général, c'est un petit peu le projet Liban-Montier. Hein, c'est ça, quoi. C'est pour ça que je tenaille, tiens. Moi, je tiens. Ah oui, ça, c'est le slogan du printemps républicain. Valls, Potier, ouais. Toute la clique là, des juifs. Ouais, c'est splendide, ça. La tenaille identitaire. Entre les métèques et les bougnoules, qu'allons-nous devenir, nous, les juifs? Ah, j'adore cette expression. Ah ouais. Mais comment dire non, mais c'est pour ça que je tiens l'État républicain, enfin, l'État français, mais de forme républicaine aujourd'hui, pour un État criminel. Hein. Ce qu'ils sont en train de préparer pour la race blanche, c'est criminel. C'est criminel. Oui, on n'a pas parlé de la justice, mais bon, il y a tout. Hein. Il y a un plan de génocide qui est en, qui est en place. C'est pas que ça va commencer. On est en plein dedans. Hein. Voilà. Mais là, récemment, pour le site, sur le site, on a parlé de même des sortes de discrimination. Je ne sais plus que c'est le média qui avait chialé parce que justement, les racisés n'avaient pas accès. Je crois que c'était au commissariat ou au poste de commissaire, justement. Ah oui, c'était un reportage de France 2 qui chouinait. Est-ce que c'était les commissaires? Oui, c'est ça, il n'y avait pas assez de basanés chez les commissaires. Il n'y a pas assez de commissaires maigres. Oui. Ouais. Parce que moi, je ne respecte pas spécialement la police, surtout en ce moment, et encore moins les commissaires qui sont des agents politiques, avant des agents policiers. Mais par contre, je reconnais que l'entrée au concours pour être commissaire, voilà, faut être une tronche. Et donc forcément, c'est pas illogique que les métèques n'arrivent pas à y accéder, quoi. Et juste en fait, c'est pas qu'ils n'essayent pas, comme vous voulez le faire croire le oui, documentaire. Oui, par rapport à l'exclamation, ils peuvent pas. Non, ils sont trop cons. Oui, et puis en plus, les petits blancs ne doivent pas le savoir, mais dans les quartiers, il y a tout un tas de profs gauchistes qui ne savent pas quoi foutre de leur week-end, parce que généralement, c'est des femmes, elles n'ont pas de môme. Et elles s'emmerdent, parce que personne ne veut les tringler pendant le week-end, les gens ont autre chose à foutre. Elles vont faire des cours de soutien aux nègres qui sont, on va dire, à la droite de la courbe du gauche du point de vue du QI. Hein, et tous ces petits nègres bénéficient d'un soutien que dont les petits blancs ne bénéficient absolument pas. C'est bien de parler un peu des putains de nègres aussi. Alexis. Oui, c'est même pas sûr qu'elle réussisse à se faire tringler celle-là. C'est même pas sûr. Ouais, il y a une référence sur ce sujet, c'est Claude Meunier-Berthelot qui a écrit des livres pour montrer à quel point les REP et autres écoles de la seconde chance, peuplées par nos amis de l'immigration, bénéficient d'aides inconsidérables et en plus de systèmes souvent assez rigoureux, quoi. Ils remettent en les récompenses. La discipline, etc. Des choses qui disparaissent de façon stratégique et volontaire dans les écoles normales, entre guillemets, enfin, rurales et autres, qui sont peuplées encore majoritairement par des blancs. Alors, messieurs, je vous propose de faire une pause musicale, bien méritée, et on se retrouve tout de suite après. Weinte, wenn ich stürm. Trommel, die Trommel, der Mann, der Mann, der Mann. Hei, Ridi, Ridi, Ran, Ridi, Ran, frisch voran. Landsknecht, voran. Pam, pam, pam, pam. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 27. Nous allons commencer avec la rubrique numéro 4, numéro 3, Justice. Ah, ça c'est une affaire qui mérite d'être citée. Hein. Alors, on va vers la Bretagne, au Croisic plus exactement. Un homme de 53 ans a été condamné à 24 mois d'emprisonnement, donc 2 ans, hein, dont 6 mois avec sursis pour avoir volé, frappé, déféqué sur un homme de 85 ans qu'il venait de cambrioler en mai au Croisic. Il a également injurié et menacé de mort les policiers municipaux venus l'interpeller. Il était jugé ce jeudi. Les faits remontent au 29 mai dernier, en plein après-midi, parce qu'il a vu une fenêtre ouverte et qu'il n'avait pas d'argent, le prévenu entre dans la maison de l'octogénaire au Croisic. Il y dérobe des vêtements, un téléphone et 3 couteaux. Il s'en va, mais revient car il a oublié ses chaussures. Entre-temps, le retraité a appelé la gendarmerie. L'ancien responsable du cinéma du Croisic essaie alors de coincer le cambrioleur avec son déambulateur. Il lui attrape le bras. Mais le quinquagénaire le fait chuter. Le retraité essuie de nombreux coups, notamment à la tête. Des coups que conteste le prévenu sans convaincre le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire qui le juge ce jeudi. Puis, quand le vieil homme est au sol, il défèque sur lui et lui macule la tête avec ses excréments. Il a été souillé littéralement, insiste l'avocat de la victime, maître Frigna, qui estime qu'il n'a dû son salut qu'à l'arrivée de la police municipale. Les agents se font copieusement insulter, menacés de mort et de carnage. À plusieurs reprises, le cambrioleur crie « Allahu Akbar !»« Je vais revenir avec une voiture tout défoncée faire un carnage !» Le prévenu a déjà été condamné à 19 reprises, dont une fois pour assassinat. Et quand le procureur dénonce son comportement odieux, il préfère se boucher les oreilles. Le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a condamné le prévenu à 24 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mis à l'épreuve pendant 2 ans. Il est maintenu en détention et a interdiction de rencontrer la victime et de se rendre au Croisic à sa sortie de prison. Et la source, c'est France Bleu Rhin Isère. Alors, messieurs, 2 ans, là, ils ont été peut-être un petit peu trop forts à mon goût, mais enfin bon, c'était pour marquer le coup, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est-à-dire que le type ne fera qu'un an, hein, au maximum, hein, et peut-être qu'en fait, il ne fera même rien. Ce monsieur, peut-être n'a pas de famille, parce que je pense que les juges rouges ne se seraient pas risqués à filer une peine aussi ridicule à un sale bougnoule. Alors pour le coup, le type, enfin, rendez-vous compte quand même, c'est pas un boomer, hein, le gars, hein. c'est un vieux de 85, c'est un ancien, hein. C'est très ancien. Ouais, 85. Il est né avant la guerre, c'est simple. Donc le type se fait chier dessus par un bougnoule en justice et son donc à la Wagbar et compagnie, bien entendu. Et ça ne résulte que sur 24 mois de prison, 6 avec sursis. Et en fait, ceux qui sont fermes ne seront pas faits parce que remise de peine et bracelet. Oui, il aura un bracelet pendant 6 mois. Donc, pendant 6 mois, il aura un bracelet. Donc là, ça me pose un problème, ce genre de cas, c'est que ces gens-là du ministère de la Justice qui, planifient clairement notre génocide. Le type est là, il n'a rien demandé. Ce verdict est un appel au meurtre. Hein. Ouais, c'est un peu ceci. Ah, mais tiens, vous voyez un blanc, vous pouvez aller lui chier sur la gueule. Surtout s'il est y a vieux pas et de... en déambulateur. Là, vous pas... pouvez franchement y aller. Ouais. Ah, ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Allez-y, il y a du fric. Rappelle le verdict. 24 mois. 24 mois d'emprisonnement, dont ouais, 6 avec sursis, et mise à l'épreuve pendant 2 ans. Ouais. J'entends un truc pareil, je me dis 24, ben, c'est 24 ans. Bon, c'est évidemment pas assez. Mais 24 mois, oui, 2 ans. 2 ans. Alors il faut quand même être conscient que c'est là il y a 24 mois d'emprisonnement, donc 6 mois avec sursis. Si tu dis qu'il n'y a pas de Celte noir, tu as 24 mois d'emprisonnement ferme, pas avec sursis, il n'y a pas de oui. 6 mois de sursis. Hein, c'est voilà, bon, c'est dans le même tu pays. Les fais, hein, hein, tu veux les faire. Hein. En plus, il faut comparer. Moi, je veux des noms. Voilà. J'espère qu'il y aura oui. des gens, des fonctionnaires qui viendront. Bon, tu verras tout est sur procès verbal, hein, mais c'est bien une fois hélas, trop peu communiqué au grand public, et je trouve ça très oui, dommage. Oui. Non, mais c'est-à-dire que y a les Mormons, oui, les Mormons, oui, on sait bien, ils archivent la généalogie, ils archivent tout, ils notent tout, on sait jamais quand la fin du monde va arriver. Eh bien, il faut, cher ami, faire pareil. Que quand on attend la fin du monde, oui. Ouais, ben ouais, mais ça va peut-être arriver plus vite qu'on le croit. Quand des fils de pute comme ça laissent des anciens se faire, ne pas avoir justice pour le coup, il faut bien noter, il faut ceux qui ont les informations qui notent et qui transmettent l'information. Je suis libéral, donc c'est le libéralisme, ça requiert une transmission de l'information qui soit fluide. Libre, donc je suis bien pour la oui, fluide et libre. Donc il y a là nécessité d'avoir d'être informé. Bon bah tu veux des noms. Voilà. Tu veux des noms. Je veux des noms, au moins des noms. Oui. Ça n'est pas normal. Ce n'est pas normal que des. Enfin, bon, je suis très attaché à mes anciens. Je n'aime pas les boomers, mais j'aime mes anciens. Ce genre de truc-là, il faut que ce soit marqué. Hein, il faut que ce soit marqué quelque part. Et cette justice, ces juges-là, voilà, on en a parlé un petit peu en première partie de l'émission. Oui, oui. Ces juges-là participent à notre génocide. Ah, totalement. Hein, totalement. Ouais. Ça, le fait de d'autoriser de donner blanc-seing à l'étranger oui, je veux dire, il coche toutes les cases, je veux dire, il fait ce qu'il veut, à la Wagbar, multirécidiviste, il menace les flics de mort, il lui chie, bah, lui ouais, chie y a, dessus, il y a de tout, hein, je veux dire. Donc là, il y a tout, à un moment, il faudra Est-ce qu'il aurait été jugé par une, enfin défendu plutôt par une sorte de Dupont-Moretti? Alors oui, venons-y. Alors justement, parce que donc puisqu'on parle de la justice et de l'état lamentable, déplorable de cette magistrature très largement acquise à la gauche et à l'extrême gauche, ils sont gâtés puisque ils ont enfin reçu un ministre à leur image, hein, c'est-à-dire Dupont-Moretti. Alors je dis à leur image au sens le plus strict du terme, d'ailleurs, gros, en surpoids, crade, hein, à l'air crade. Ah, c'est un faux costaud. C'est oui, c'est un que... faux dur. C'est un faux dur. Ouais, hein, voilà, ça se voit. Il est là, il est gonflé, mais il est gonflé, mais comme un crapaud sur une boîte d'allumettes. Vous voyez, il est pas. Exactement. Oui. Non... Sais-tu que c'est un adepte de la chasse aux faucons? Est-ce que tu Je connais l'ai appris. Beaucoup de, ah ouais. de prolos qui font de la chasse aux faucons? Parce que, non, c'est mais un il est pas prolo. Alors c'est un type, si tu veux, il s'est installé sur dans la région de Nice ces dernières années. Il est toujours fourré avec l'avocat Herzog là, de l'avocat de Sarkozy. C'est pour ça qu'il y avait eu des trucs. Il avait commencé à gueuler parce qu'il y avait les écoutes, tu sais. Oui. Paul Bismuth, hein, il y avait des trucs qui se disaient. En fait, il a été écouté, donc il n'était pas très content. Donc là, il a dû vraisemblablement avoir des éléments qui se sont agités. Du coup, il est ministre de la Justice pour remettre de l'ordre là-dedans. Donc, il est toujours fourré avec Herzog, chez la belle famille d'Herzog aussi, qui a un restaurant à Nice, bon, où il était d'ailleurs pendant le 14 juillet, quand il y a eu le grand moment de vivre ensemble, hein, il y a quelques années, vous vous rappelez. Oui. Donc voilà, ce type-là traîne avec des juifs. Il a vendu son ancienne maison vers Grasse à Gérard Darmon. Voilà, tout ça est très. Lui-même s'appelle. Alors, Moretti, j'ai appris par un très estimé camarade que c'était un nom d'origine juive, hein, en fait. Hein, ça n'est pas. Ça veut dire cheveux noirs. Hein, c'est pas, je pensais que c'était mort, en fait. Hein, petit mort. Mais non, ça vient des cheveux noirs des Ashkénazes qui venaient sécréter le sang. Des jeunes. Oui, on en a parlé, effectivement. Ah, parce que voilà. Lui revendique ses origines. Oui, il dit je suis un Italien. Il est sans mêlée, effectivement, il est sans mêlée. Il est partiellement démon. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, on a mis en place une loi qui interdit le profilage des juges, c'est-à-dire en fait. Oui. L'analyse, parce que en fait, on peut le faire. Hein. Je pense que quelqu'un qui fait un petit peu un travail d'archives pourrait, par exemple, tout à fait, je crois qu'on a à peu près un peu moins de 1000 meurtres en France, faire des statistiques. Oui, en fait, c'est de faire le tracking des décisions des juges. En fait, tu peux pas savoir. Si exact. C'est interdit de savoir, de connaître. L'historique des décisions des magistrats. C'est-à-dire, tu ne peux pas savoir comment ils te jugent, en fait. C'est exactement ça. Et en plus, ce qui est vraiment totalement hypocrite, c'est que cette loi, elle a été mise en place quand, justement, on a voulu faire comme il se fait dans les pays scandinaves, de l'open data et rendre accessibles les décisions administratives et les décisions de justice. Ah bah, et c'est vrai qu'à plus, partir du moment où elles sont ouvertes, bah, tu vas rapidement te rendre compte. Des constantes. C'est facile de faire des statistiques ethniques. Hein. Tu n'auras pas besoin de l'aval de l'INED ou de la CNIL. Donc, ils ont interdit de faire ça. Parce qu'effectivement, si tu fais non, ça. Non, mais en plus, le truc, ce dont tu parles, c'est qu'en plus, c'était agrémenté de peines extrêmement sévères. Enfin, c'était pas, vous risquez une peine d'amende ou un an de prison. C'était. Ah bah, vaut mieux chier sur un. Oui, sur un octogénaire. Non mais c'est vrai, je me rappelle très bien de ça, ça m'avait profondément choqué. Et les peines prévues contre les citoyens qui voudraient se renseigner sur les décisions prises par les juges et établir sur cette base un historique étaient extrêmement lourdes. Tu n'as pas le droit de remarquer des trucs en France. C'est interdit. De manière, même dans l'Occident, tu remarques qu'il y a beaucoup de juifs dans tel ou tel endroit. Bah, tu es quelque part, on peut pas te tuer, donc on te condamne à la mort sociale et puis à la prison si vraiment tu si t'insistes. Alors, vous avez vu le passage de Dupond-Moretti là quand il allait en tôle, il a commencé par ça, il a été voir les tôlards. Vous avez vu son premier discours, très frappant. Je pense que beaucoup de monde l'ont retenu. D'ailleurs, c'était un peu la star du nouveau gouvernement de Macron, qui par ailleurs est d'une fadeur. Bref. Je crois que vous avez bien compris, d'ailleurs, ça a été relevé par un certain nombre d'observateurs politiques, y compris même intéressés par le sujet en tant que partie prenante, dirons-nous, c'est que ce gouvernement est effectivement, on va dire, un gouvernement de centre-droit avec des gens de gauche, donc il y a eu un déplacement vers la droite, et là je parle exclusivement au plan politico-politicien, bien sûr, hein, je parle pas des idées, je parle des boutiques. Et donc... Enfin, tu sais, très honnêtement... Déterminer qui est à la droite ou à la gauche d'un type comme Macron, c'est quand même de l'ordre du pipou. T'as raison. Mais disons qu'il donne à manger un petit peu à tout le monde, et Dupond-Moretti est là pour apaiser encore davantage Sarkozy, hein, bon, c'est ça en fait, hein, il est là pour couvrir les arrières de Sarkozy, ce qui fait que Sarkozy sera, je pense, un soutien de Macron pour sa réélection, y compris au sein du parti Les Républicains. Ça sert à neutraliser le parti des Républicains. Et comme il y a Bruno Le Maire qui est présent là-dedans, qu'il y a Darmanin, etc., bon, finalement, le parti des Républicains est phagocyté de l'intérieur, donc c'était une espèce de... Il faut reconnaître hein, que c'est un scénario assez inédit sous la Ve République, où on a officiellement un parti de gouvernement qui est La République En Marche, qui dispose de la majorité au Parlement, et un parti qui est d'opposition, qui est LR, les Républicains, mais qui en réalité, dont tous les chefs sont en réalité dans le gouvernement. Donc c'est assez cocasse. Donc on renoue en fait avec l'UDF RPR, mais avec le curseur très largement déporté à gauche, puisque le parti de masse, entre guillemets, au niveau électoral, c'est LREM. Le parti de Macron, donc il y a une inversion là, par rapport au RPR, qui était le parti de droite avec les centristes de l'UDF, et le parti de droite, LR, qui est associé donc au parti présidentiel pour conforter la majorité. Et si vous avez remarqué, toujours dans cette cuisine infâme, nous avons le père Bérou, qui est ressorti. Alors là, je ne vais pas dire du placard, mais carrément du tombeau. Hein. Là, c'est de la nécromancie. Je ne savais pas que Macron avait des dons de nécromancien, mais c'est un fait. Et il a réussi à ressusciter le père Bérou, perdu dans son Béarn, pour le proposer à la tête d'une organisation qui serait l'organisation du plan, un truc qui avait été abandonné comme une vieillerie archéo-socialiste et que finalement Macron trouve très bien pour relancer bah, précisément le socialisme vert. Qui consiste à foutre tout le monde, je veux dire, dans une Lada électrique, et puis avec le câble et peut-être. On se croirait revenu au. C'est la seulement triennale, quoi. Totalement. mais on y arrive. Et alors, on a besoin d'un grand sachem comme ça qui puisse comme ça piloter l'économie dirigée de la France éco-socialiste. Et ce serait le père Bérou, un centriste. Donc en fait, vous voyez que Macron prépare en fait sa réélection, il donne des strapontins aux uns et aux autres. Et nous avons Dupond-Moretti au beau milieu de tout ce champ de bataille, qui est là, évidemment, pour assurer les arrières Sarkozy, mais qui a un plan. Et j'en reviens au point de départ de ma prise de parole, qui est la visite des tôles. Alors là, ça c'est le vice, le comble du vice politique de cette République. Parce que vous avez bien compris que Macron soutient la bourgeoisie la plus enfriquée de tout le régime. J'ai cité les noms. Mais, pour faire contrepoint, il nomme notre Dupond-Moretti, qui non seulement va assurer les arrières de Sarkozy, mais en plus va flatter la pire des lits, c'est-à-dire les banlieues ethniques criminelles. Même pas les banlieues ethniques tout court, les banlieues ethniques criminelles, les pires gangs, les pires criminels, les braqueurs, les trafiquants de drogue. Moretti est un grand consommateur. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est son dealer. C'est son dealer marocain. Vous savez, c'est un vétéran. J'ai oublié son nom d'ailleurs, cet homme-là. C'est bien dommage d'ailleurs que j'ai oublié son nom. Je sais pas si quelqu'un le connaît. Il parle quelque chose, non ? Je sais pas. Il parle partout. Il s'exprime partout. Il est sur tous les médias. Vous pouvez même le voir sur YouTube. Il est partout. Il s'exprime. Il explique ce qu'il a vécu tout au long de sa vie. C'est assez intéressant d'ailleurs. Je soupçonne que cet homme soit légèrement mythomane. Non, parce que tout ce qu'il dit a été écrit dans un livre et comme il a dit, personne ne m'a attaqué en diffamation. Or, c'est Gérard Fauré. Voilà. Mais c'est un maghrébin à l'origine. Ouais, bah oui, ça se voit. Oui, alors je crois qu'en plus il est pas comme un maghrébin, je crois qu'il est lié à l'entourage du roi du Maroc. Je crois qu'il est son père était médecin du roi du Maroc ou son oncle un truc comme oui, ça. Oui, oui, oui, mais il raconte tout ça. Et comme il dit, j'invite quand même nos auditeurs et nos participants à prendre avec prudence ce que raconte ce personnage au teint. Non, pas moi, parce qu'il a raison. Il a tout écrit dans un livre et tout le monde peut le poursuivre. Il n'est pas poursuivi. Pas poursuivi pour diffamation. Personne, il n'y a pas une starlette. Je peux bien dire que je suis Napoléon, on ne poursuivra pas. Ah, c'est pas du tout la même chose. lui, il accuse nommément toute une série de personnes d'avoir consommé de la drogue en grande quantité, etc. Les familles seraient tout à fait autorisées de les poursuivre, soit pour diffamation, soit pour truc, etc. Quand il a parlé de Dupond-Moretti, il s'est pas caché derrière son petit doigt. Il s'est exprimé dans la grande presse et il a dit, voilà, Dupond-Moretti, oui, je peux vous en parler, ce mec-là est venu me voir, il voulait ma dope. Bon. Où est la plainte de Dupond-Moretti? Où est le verdict? D'accord? Moi, si on me prouve que ce dealer-là, il est convaincu de mythomanie, moi, je veux bien. Mais en attendant, c'est pas le cas. Il n'y a pas un verdict pour l'accuser de mythomanie. Donc... Non, mais attends. Tu peux tout à fait mêler le vrai et le faux, et vice-versa. Et justement, du coup, tu peux être poursuivi pour diffamation. Du coup, tu peux être poursuivi... Tu peux tout à fait raconter des conneries et être tranquille parce que tu détiens des choses qui sont elles vraies et que tu menaces de divulguer. Ah, c'est... Bon... Oui, enfin bon, vu ce qu'il révèle, je veux dire qu'il n'est pas non plus excessivement tapageur quand il dit Dupond-Moretti est un cocaïnomane, bon, c'est pas non plus la révélation de l'année, voilà, bon, voilà, il consomme de la coke, voilà, en grande quantité. Non, le truc était un petit peu marrant dans l'histoire que livre ce dealer d'origine marocaine à propos de Dupond-Moretti, c'est la façon dont Moretti essaie de le faire chanter pour avoir son dealer, qui est un dealer qui a de la cocaïne pure, elle est pas coupée en fait. Et Dupond-Moretti, visiblement, est intéressé par cette dope. Et il veut faire chanter ce type-là en disant « Vas-y, donne-moi le nom de ton dealer que je m'approvisionne directement. » Et voilà, donc en fait, c'est des histoires finalement assez banales, assez peu intéressantes. Mais ce qui n'empêche, révèle un peu qui sont ces personnages, en fait. Qui, par ailleurs, vont aller dans les prétoires, essayer de... d'incarner une espèce de résistance, je sais pas, un ordre établi, enfin, c'est très drôle, au fond, quoi, tout ça. Donc, quand il va en tôle, parce que ça, il faut s'interroger là-dessus. Et encore une fois, je vais faire appel, pas à l'aile droite, mais à l'aile gauche. Au sentiment de gauche, plus qu'au sentiment de droite, parce que le sentiment de droite, on le connaît, on le partage tous, on l'a tous ici, c'est l'opposition au crime. Bien sûr, je veux dire au crime, au droit commun. On n'a pas comme à gauche l'excuse de comment dirais-je, de, oui mais c'est la société, etc. Non, c'est pas dans notre culture. En revanche, la critique de gauche qu'on pourrait faire, c'est comment se fait-il qu'un avocat comme ce Dupond-Moretti, qui est aussi proche de gens aussi puissants que Sarkozy et d'autres, aille flatter la racaille en tôle au point d'être accueilli sous les caméras. Sous les caméras, c'est quelle chaîne? Je sais pas, c'est pas CNews ou BFM TV. De toute façon, il était en direct sur les chaînes d'information continue. Où les tolards l'accueillent en l'acclamant lors de sa visite, lors de son premier jour en tant que ministre. Ça veut tout dire, quoi. Je veux dire, c'est le lumpen prolétariat. C'est la racaille qui est au service du pouvoir. C'est ceux qui sont dans tous les commerces interlopes. C'est ça. Ça rejoint de ce qu'on parlait il y a deux semaines. La mise en place de la narcotyrannie, l'appui des racailles totalement. En haut, racailles d'en bas, exactement. Tout ça. Alors attention, pour moi, ça avait déjà commencé avec notre ami, là, comment s'appelle-t-il, le ravi de la crèche, Castaner. Castaner, c'était un type qui était dans les salles ouais. de poker avec les mafieux marseillais. Donc, enfin, c'est, si on prend par là, je vais te dire, lui, c'était enfin, je veux dire, franchement, hein, c'était un amateur à côté de Pasqua. Oui, monsieur. Mais Pasqua avait pour lui. Non, mais Pasqua était corse. Pasqua c'était l'organisateur. Ce que Pasqua avait pour lui, d'abord, c'est l'intelligence et la lucidité. C'est-à-dire, il comprenait bien qu'il y avait deux fonctions. Il pouvait lui-même avoir des activités criminelles. Mais il savait aussi que c'est pas parce que je suis impliqué dans les activités criminelles, enfin je suis intéressé à la partie, que je vais laisser tout et n'importe quoi se dérouler dans les rues du pays. Il comprenait la distinction. Or que Castaner, cette espèce de gland qui a été foutu dehors à coup de pompe dans le cul de ce ministère, comme aucun, c'est un type, probablement. C'est un type qui avait une coupe de mulet. Oui, bon. Non, mais il avait, c'était un clampin. Ce clampin a été foutu dehors à coup de pompe dans le cul. Il n'a jamais rien compris au film. Donc, alors, par contre, il s'en est peut-être cru. Il y a trois ans, il se voyait maire de Marseille, quand même. Hein, il faut le dire. Ça fait ce type-là. Bah, comme quoi, la connerie, ça donne de l'imagination. Hein, la connerie, ça donne de l'imagination. C'est un fou furieux. Alors maintenant, je crois que Macron veut poster cette espèce de clown à la tête de son de sa majorité au Parlement. Ah. C'est un drôle en de recyclage. En plein de Gilles Legendre, c'est ça, l'espèce c'est un, de. C'est un de prime sport, à la nullité. C'est extraordinaire. Ouais, c'est bien. Il n'y a plus rien à lui caler parce que y a les municipales, c'est passé, on ne peut pas lui refiler une ville. Bon, les élections européennes, n'en parlons pas. Bon, député, il est déjà ce con, donc qu'est-ce qu'on a ? Et un ministère, bon, c'est périmé. Bon, qu'est-ce qu'on va faire de ce con ? On ne peut rien en foutre. On va lui filer une majorité qui s'effrite, qui se démerde. Oui, tout à fait. Enfin bon, voilà, donc Dupond-Moretti va nous faire une belle politique judiciaire. Alors, vous savez aussi, sur ce point-là, parce qu'on parlait donc de ce pauvre octogénaire qui a été pratiquement laissé pour mort avec des excréments maculés sur le visage par un arabe possédé donc par le Coran, hein, le faisant savoir d'ailleurs aux flics qu'il voulait assassiner. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, cette magistrature, outre le fait qu'elle soit totalement pourrie, 8000 magistrats en France, hein, donc probablement 7500 à purger, outre qu'elle soit totalement pourrie, c'est aussi le fait qu'il n'y a aucune espèce de politique pénitentiaire. En France, on ne construit pas de tôle. C'est ça le vrai problème, en fait. Alors, c'est, c'est normalement obligatoire, la construction de places de prison, mais oui, chaque année, on fait une loi pour dire « oui, non, mais exceptionnellement, on ne le fait pas ». Alors, ouais. C'est une loi exceptionnelle qu'on vote chaque année, c'est quand même extraordinaire. Il n'y a pas de laxisme pour ce qui concerne la liberté d'expression, ce n'est pas le cas. Par contre, pour les places de prison, en fait, je ne leur donne pas forcément tort, si tu veux, parce que construire des. Enfin, c'est un petit peu le Club Med, c'est le centre de repos. C'est une maison de repos pour les... Ah, mais Dupond-Moretti, il a dit non. Il a dit non. Il a dit ceux qui disent que la prison, c'est un hôtel 3 étoiles, c'est des salauds. Oui, c'est des 4. Allez, 2 étoiles. Peut-être 2 étoiles. Plus la PlayStation. Bon. La 3 ou la 4 ? Ouais, non, mais ça, c'est... Mais ça, du coup, c'est une critique qui pourrait être... Moi, je comprends pas, en fait. Pour le coup, je vais faire une critique plutôt pour la droite. Je n'étais pas sur la droite. Il y a quelque chose que tous les Français, peu importe le bord politique auquel ils appartiennent, pourraient comprendre, et que le Front National, d'ailleurs, ne mise pas là-dessus, c'est là où je veux en venir. C'est sur cette question des délinquants qui pullulent en prison et qui sont binationaux. Ça, même les mecs de gauche, dans ma famille, moi, on est... très très à gauche, ils comprennent ça que finalement il y a juste à les déchoir de nationalité et puis les expulser, et tout le monde comprend ça. C'est franchement, politiquement parlant, c'est extrêmement vendeur, et il suffit de le matraquer assez souvent et ça passe. Et je ne comprends pas pourquoi le Front National ne mise pas là-dessus, parce que en fait il y a rien à perdre en plus. Non mais enfin c'est dans leur programme, hein, officiellement. Ça, si je veux dire, c'est, d'accord, mais enfin ça marche à tous les coups. C'est juste, tu t'insistes là-dessus et tu as un capital, et puis après, tu as un retour sur investissement derrière. Et moi, je n'entends pas Marine Le Pen balancer cette information. C'est gagnant à tous les niveaux, tu vois. C'est les prisons se vident, on n'a pas les délinquants, l'immigration est un peu. Enfin, du coup, elle est plus choisie, entre guillemets. C'est vraiment gagnant à tous les niveaux. Bah, bien sûr, tu as totalement raison. Ça ne souffre pas la contradiction. Mais disons que. Je suis aussi d'accord, d'ailleurs, il faut construire des places de prison. C'est même pas un argument qui peut être repris, même par les nôtres. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on va les fixer en France. Donc ça voudrait dire qu'on voudrait fixer les criminels étrangers en France. Or, c'est pas ce qu'on veut. On veut les renvoyer dans leur pays. Ceci étant la solution la plus modérée, bien sûr. Mais il n'empêche que, si on est simplement pragmatique et qu'on prend la situation telle qu'elle est aujourd'hui, il faudrait créer 300 000 ou 400 000 places de prison, c'est-à-dire les taux qu'on connaît aux États-Unis. C'est ça la vérité. Pour que les peines promulguées soient purgées, et pour que les peines augmentent, parce que pourquoi les mecs, ils leur filent 24 mois comme à Toto, là ? Il y a soit une part d'orientation idéologique, mais aussi une part, simplement, de flux. C'est-à-dire, il dit, bah oui, mais non... ils peuvent pas. Ils peuvent pas. On peut pas le mettre en taule pendant X. Voilà, il y a des barèmes, et c'est uniquement lié à la quantité... de bandits qu'on peut foutre entre quatre murs. Et on ne peut mettre en France aujourd'hui au maximum que 70 000. Ils ont profité du coronavirus, de tous les juges communistes là, d'application des peines, ont purgé toutes les tôles pour les ramener à 50 000. Mais on est à 70 000 maximum. Mais il y a beaucoup plus de monde qui devrait aller en tôle si on en croit les jugements qui sont prononcés. Or, c'est pas le cas. Donc il faudrait un... Et là, je m'exprime hypothétiquement dans le cadre strictement républicano-républicain. Il faudrait 300 000 ou 400 000 places de prison. Et quand on dit... Et quand quelqu'un prend de la perpétuité, ça ne devrait pas être 21 ans incompressible. C'est la perpète. C'est jusqu'à ce que le type soit crevé. Vous comprenez ? C'est ça que ça veut dire. Ça n'existe pas. Je crois qu'il n'y a que 5... en France, il n'y a que 5 personnes qui ont été condamnées à la perpétuité. Mais je suis bien d'accord. Mais vous voyez que... Comment dire les gens ne comprennent pas, parce que beaucoup de Français s'interrogent, je ne comprends pas, les peines elles tombent, mais elles ne sont pas appliquées, les mecs sont relâchés, ou les verdicts sont stupides. Tout est lié à la quantité de brigands, de criminels, d'égorgeurs, de violeurs qu'on peut mettre entre quatre murs. Et les capacités n'y sont pas. Donc il n'est pas possible de parler de politique pénale ou des machins, sans parler concrètement de murs. Il faut parler de maçonnerie quand on parle de justice. Et on ne parle jamais de maçonnerie. Autre chose qui m'énerve là, c'est que quand tu discutes avec une personne pas forcément de gauche, également plutôt de droite, elle te répond souvent que oui, mais la prison, c'est pas dissuasif. Mais on en a rien à foutre que ce soit pas dissuasif. Oui, c'est même pas le sujet. C'est pas le sujet. Oui, c'est pas dissuasif, les gens, après... Ils y retournent, ouais, j'en ai rien à foutre, ouais, qu'ils y retournent. C'est possible qu'ils y restent. Mais on en a strictement rien à secouer. Je veux dire, l'intérêt de mettre les gens en prison, c'est pas de réinsérer le criminel ou le meurtrier. C'est de rendre la société plus sûre. Mais même quand il discute avec quelqu'un de droite, il va surtout penser au meurtrier. En fait, ce sont les gens dont il faut s'occuper et non pas les victimes. Une victime, après tout... On n'en parle jamais des victimes. On n'en parle jamais des victimes. C'est pas un problème. C'est un dommage collatéral d'une société qui serait injuste. Qui serait pas assez gentille avec les gens qui tuent, qui violent et qui volent. Ça, c'est bon. Je pense qu'on a vraiment une démoralisation de la société française pour leur... avoir mis ça dans le crâne pendant des années et des années. Le Dupont-Moretti, il a eu 145 acquittements en tant qu'avocat. Alors, il y a de tout. Hein. Ça va du type qui a brûlé un portique au meurtrier. Il était avocat du frère de Mera, je crois, de Georges Tron. On a dit que c'était son honneur d'avoir défendu le frère Mera. Oui, par chez nous dans le sud, là, il avait acquitté un type qui avait tué sa femme. Bon, peut-être que là, il n'était pas forcément innocente, mais bon, c'était un roublard. Ouais, alors, il ne peut pas blairer apparemment la magistrature française parce qu'il l'estime beaucoup trop à droite et beaucoup trop sévère. Donc, je pense que ça va être assez terrible. Je ne sais pas combien de temps il va pouvoir rester. Voilà, il y a un procureur là dans les îles. D'ailleurs, c'était en Martinique, ou Guadeloupe, je ne sais plus, qui a rendu son tablier. Moi, je veux pas servir sous ce type-là. Bah oui, ça va être. Parce qu'il y a quelques magistrats il y a quelques magistrats, c'est la minorité, mais qui sont des gens corrects. Je sais même pas si c'est la minorité, mais je pense qu'il doit y avoir d'énormes disparités au niveau du territoire français. Non, et que le territoire français, enfin la République aime se penser indivisible et totalement égalitaire en fonction de ses territoires. Et si justement tu fais un profilage des décisions de justice grâce à l'open data, tu vas vite te rendre compte que finalement mieux vaut tuer ou chier d'un octogénaire dans certains parquets plutôt que de brûler un stop dans d'autres. Tout à fait. On va vite se rendre compte de ces choses. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu, mais il y a 4 ou 5 ans, un magistrat qui était, dont on avait remarqué qu'il avait des jugements normaux, en fait, et que sur les réseaux sociaux, il avait des positions normales, passé sa retraite, des gens avaient essayé de remettre en cause ses jugements, parce que le type était normal, tu vois. Comme il est normal, il n'est pas français. La normalité, les Français, c'est bizarre. Je ne sais pas ce qu'il en est advenu de cette affaire-là. Probablement que les affaires ont été relevées et que de nombreux nègres et bougnoules ont été relâchés dans la nature pour vice de forme. Ce serait intéressant d'avoir quelqu'un dans ces milieux-là qui puisse nous éclairer, parce que c'est très opaque, hein, en fait, hein, ces milieux. C'est très opaque, oui. Très opaque, et oui, comme disait Magda, vraiment, c'est une ultra minorité, les gens qui sont de notre bord, et même après leur retraite, on va pouvoir remettre en cause leur jugement parce que les types sont prétendument méchants. Donc, Oui, même s'ils ont. là. Oui. Ah oui, tikkun olam, hein, on répare le monde. Vous connaissez la loi, c'est la matrice de tout ce qui se passe, hein, dans notre pays et plus généralement en Occident, c'est tikkun olam, on répare le monde. Au terme de la loi juive. Écoute, ça tombe très Oui. bien que tu cites la Tikkun Olam, puisque nous allons parler des Juifs maintenant, un petit peu là. Je vous ai un petit peu Ah. oublié. Oui, il était temps. Rubrique numéro 4, les sales juifs de la semaine. Alors, messieurs, vous savez que les juifs sont une minorité faible, fragile, marginalisée, discriminée, pauvre, particulièrement pauvre. Et qu'à ce titre, aussi faible, chétive et isolée qu'elle soit, eh bien, c'est pas pour autant qu'il faut la laisser sur le bord de la route. Elle a besoin d'aide. Et c'est précisément ce que nous apprend la presse. Alors, je vous lis cet article qui est paru sur Spoutnik News. Face aux difficultés auxquelles certains résidents français en Israël font face à cause de la crise sanitaire, l'Hexagone met en œuvre un dispositif permettant à tous ceux qui en ont besoin d'obtenir une aide sociale. Le gouvernement français lance un dispositif visant à accorder une aide sociale ponctuelle aux Français vivant en Israël et qui sont confrontés à de graves difficultés en raison de l'épidémie de Covid-19, rapporte le consulat général de France à Tel Aviv sur son site officiel. Le montant de l'allocation est de 207,28 euros par adulte ou couple et de 138,19 euros par enfant à charge. Pour l'obtenir, la personne doit d'abord s'inscrire à titre gratuit au registre des Français de l'étranger si elle ne l'a pas fait auparavant, puis déposer une demande. Cette aide a été rendue possible après que le consulat général de France à Tel Aviv et le Fonds social juif unifié d'Israël ont signé le 23 juin une convention de subvention d'un montant de 20 000 euros dans le cadre du plan d'urgence adopté par l'exécutif français fin avril en faveur du soutien éducatif, social et médical aux Français vivant à l'étranger. La communauté française en Israël est estimée entre 150 000 et 200 000 personnes, en particulier les nouveaux immigrés, est très touchée par la crise économique consécutive à l'épidémie de Covid-19. Depuis début avril, plus de 150 demandes d'informations sur les aides financières ont été adressées au consulat général, indique l'ambassade de France en Israël dans un communiqué. Le communiqué ajoute que cette allocation vise à aider uniquement les familles en grande difficulté à régler certaines de leurs dépenses courantes, comme le loyer, la nourriture ou les médicaments. Et vous aurez remarqué que cela fait écho à la facture d'électricité du Sénégal que nous allons régler aussi, comme nous l'avons dit la semaine dernière. Alors, nous aidons donc les Juifs à s'établir en Palestine, surtout de fraîche date, hein, au détriment des Arabes. Je suppose que c'est le vivre ensemble bien compris de la République. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, chers amis, hein? Hein? On parle Mais c'est bizarre, parle ça souvent des aides concerne sociales avec les nègres, mais voilà. Là. ça concerne que Israël, comme s'il y avait des Français établis à l'étranger uniquement là-bas, c'est bizarre. Parce que moi, d'après ce que je sais, la diaspora française, je sais qu'elle est principalement installée dans les pays francophones d'Afrique. Et bon, pas particulièrement en Israël, quoi. C'est curieux à croire que la puissance israélienne, voilà. Je sais pas. Ouais, mais bon, les juifs, ils souffrent beaucoup en Israël. Hein. Bah, c'est un virus antisémite. Hein. Bah, quelque part. Donc voilà, alors il y a beaucoup d'expatriés un peu partout, mais bon, c'est pas. Je sais pas, c'est pas. Je sais pas comment dire. Je sais pas quoi dire en fait. Il y a peut-être aussi le grand talent de Meir Habib, qui est le représentant des Français de l'étranger en Israël, si je ne m'abuse. Tu veux dire que c'est le représentant, De quoi ? Le représentant des Juifs en France, tu veux dire plutôt, non ? Voilà. Ah non, mais il est député des... Ah oui, des Français d'étranger, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est peut-être sa grande compétence. Alors, il est député israélien pour les Français ou député français pour les Israéliens ? Je sais plus, à faire son... Bah, on sait pas, on sait pas. Par contre, il est juif, ça on sait. Et il est aussi représentant en produits lipidiques orientaux. C'est pas lui qui vend l'huile d'olive de Patrick Bruel ? J'ai oublié. Oui, d'ailleurs, je crois qu'il a des échantillons qu'il transporte tout le temps sur lui dans son bide. Sur la peau. Des échantillons sous-cutanés. Sous-cutanés. Sous, je suis pas certain. Ça soigne quand même beaucoup trop pour être sous la peau. Ça dégouline, quoi. En sachant que, comme l'a démontré Patrick Bruel, on peut utiliser l'huile d'olive pour beaucoup de choses et pas uniquement la cuisine. Se faire masser les couilles. Contre le gré des jeunes femmes. Bref. Alors, messieurs, bon. Si la chitva se trompe, c'est permis. Hein. Charret, c'est permis. Hein. Dans l'ombre, on sait pas. Dans l'ombre, on sait pas. Malentendu. Alors bon, mais je voulais simplement informer les Français du fait que leur argent est bien utilisé. N'ayez crainte, vous êtes bien gouvernés. Continuez à voter pour les partis pour lesquels vous avez voté jusqu'à présent, si vous votez encore. Et si vous ne votez pas, vous êtes antisémite. Je vais m'adresser à un ami personnel qui écoute l'émission une fois sur deux. Alors je vais dire pour une fois d'écouter celle-ci. Je ne vais pas le nommer, je vais juste nommer J, il s'en connaîtra, J, parce que J me parle souvent, en fait, de sa petite entreprise et des magouilles qu'il pourrait faire un peu à droite à gauche pour éviter de donner du pognon à l'État français, mais J, il a des problèmes de morale. Bravo. Alors J, il faut pas. Tu as trop de morale. Il veut payer ses impôts, donc c'est quelqu'un qui croit. Je m'adresse à J, je m'adresse à toi. Si tu es un patriote, si tu veux être un vrai patriote, fais tout pour niquer l'État français. L'État français est l'ennemi des Blancs, hein, et des Français en général. Oui, d'ailleurs, il n'a plus rien de français, cet État, d'ailleurs. Il faut le souligner quand même. Oui. Ou alors c'est nous qui n'avons plus rien de français. Moi, je suis plutôt partisan de cette état de fait là, c'est-à-dire que les autres sont français et puis nous sommes ce que nous avons bien envie d'être, hein. C'est ce que nous avons envie de définir. Et laissons l'être figé dans la France. La couleur dans de la peau, francité, libano-antillaise, créole et compagnie. Voilà, de danser avec vos nègres et c'est très bien. Hein, arrêtez de nous faire chier avec vos nègres, quelque part. Foutez-nous la paix avec vos nègres, j'ai envie de te dire. Hein. Alors, on va terminer sur un sujet tout aussi juif, hein, parce que bon, moi j'estime qu'il faut parler des saloperies des juifs, parce que c'est quand même eux qui sont les principaux responsables de la débâcle actuelle, en plus des goïms stupides, bien sûr, qui contribuent très largement. Les juifs sont là pour appuyer sur des problèmes qui sont déjà préexistants, mais les problèmes sont les nôtres. Hein. Tout à fait. Hein, il faut vraiment comprendre ça pour être dans une. Pour ne pas être paumé et pour être dans une vraie compréhension de droite, hein, de la problématique qu'il a à notre. Tout à fait. Alors donc, nous en savons plus sur le mouvement Black Lives Matter, on en a parlé quand même toutes ces dernières semaines, et c'est bien de suivre un petit peu ce qui se passe. Et on sait enfin qui c'est qui est le grand argentier du mouvement, qui c'est qui récolte toutes ces masses énormes de cash, de liquide, qui confluent vers les caisses de Black Lives Matter. On l'attendait, hein. Moi j'attendais ce type d'informations, et on les a. C'est le Washington Examiner qui a donné l'information. Je vous donne la traduction de cet article. La cofondatrice de Black Lives Matter désigne une tueuse de flics condamnée comme l'un de ses héros, tandis que l'organisation nationale BLM est parrainée fiscalement par un groupe de gauche dont le conseil d'administration comprend une terroriste condamnée. Alicia Garza, l'une des trois cofondatrices de l'organisation nationale Black Lives Matter, donc aux États-Unis, a déclaré à plusieurs reprises que la tueuse de flics condamnée et terroriste recherchée Joan Chesima, également connue sous le nom de Asata Shakur, est l'une de ses principales sources d'inspiration. Suzanne Rosenberg, membre du conseil d'administration du groupe de gauche Thousand Currents, donc en français ça veut dire 1000 courants ou 1000 tendances, qui gère l'entrée des dons faits à Black Lives Matter, est une terroriste condamnée qui, entre autres choses, était soupçonnée d'avoir aidé Shakur à s'évader de prison. Rosenberg, qui figurait sur la liste des vice-présidents du conseil d'administration de Thousand Currents, jusqu'à ce que la page web soit retirée cette semaine, comme l'a signalé pour la première fois le Capital Research Center, était membre du groupe militant révolutionnaire de gauche, connu sous le nom d'Organisation communiste du 19 mai, affilié au groupe terroriste Weather Underground et à d'autres éléments radicaux. Elle a été reconnue coupable de délits liés aux armes et aux explosifs et a été condamnée à 58 ans de prison, dont 16 ans avant d'être graciée par le président Bill Clinton en janvier 2001. Thousand Currents n'a pas répondu à nos sollicitations. Black Lives Matter, qui n'est pas un groupe caritatif au terme, selon l'article 501C3 du droit américain, utilise une organisation 501C3 approuvée par l'IRS, donc l'IRS c'est le fisc américain, comme sponsor fiscal. Les dons effectués sur le site web de Black Lives Matter via la plateforme de dons de gauche ActBlue vont donc à Thousand Currents, qui dit les distribuer ensuite à Black Lives Matter. Black Lives Matter a bénéficié d'une grande attention nationale et de financement depuis le décès de George Floyd en garde à vue à Minneapolis le jour... Bon, voir à Minneapolis, vous avez compris. Rosenberg était une extrémiste dans les années 60 et 70 qui a été inscrite sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI pour un certain nombre de crimes présumés. Elle a été arrêtée en 1984 alors qu'elle déchargeait de sa voiture et qu'elle se rendait dans un entrepôt du New Jersey avec des centaines de kilos de dynamite ainsi que des armes, dont une mitraillette. On pense qu'elle a participé à des projets d'attentats à la bombe à motivation politique. Rosenberg et ses associés du M19 ont également été accusés d'avoir participé à des attentats dans les années 80 au Capitole et au Navy War College. Donc c'est là où on forme les officiers de la marine américaine. Entre autres cibles. Ils ont également été liés à un vol de voiture blindée Brinks en 1981 qui a fait 3 morts, 1 garde et 2 policiers. Rosenberg aurait également joué un rôle dans l'évasion de Shakur depuis sa prison. Alors messieurs, le tableau ne serait pas complet si je ne vous donnais pas les volumes d'argent qui ont été donnés à ce mouvement Black Lives Matter qui, vous l'avez compris, au plan financier est intégralement tenu par des juifs communistes liés à Clinton. C'est le journal de Montréal qui nous en dit un petit peu plus, qui fait une synthèse de dons qu'a reçu cette organisation ces dernières semaines, et ce n'est qu'un petit aperçu. Apple a lancé une initiative pour l'égalité raciale et la justice dotée de 100 millions de dollars. Facebook va consacrer 200 millions à soutenir des PME afro-américaines et Google va verser 275 millions de dollars à différentes causes pour lutter contre la discrimination raciale, dont 100 millions par YouTube pour aider les artistes noirs, entre guillemets. Le japonais SoftBank Group va créer un fonds de 100 millions de dollars pour les startups fondées par des entrepreneurs noirs. Walmart Distribution met aussi 100 millions sur la table sur 5 ans pour créer un centre à l'égalité raciale. De nombreux entrepreneurs et sociétés ont fait des dons à des organisations de la société civile liées au mouvement Black Lives Matter. Nike a promis 40 millions sur 4 ans, Amazon et les supermarchés Target ont chacun promis 10 millions, Coca-Cola 2,5 millions et Satya Nadella, le patron de Microsoft, 1,5 million de dollars. Viennent ensuite Electronic Arts, H&M, Gap, Levi, Peloton, Ubisoft et de nombreuses autres marques. Bref, vous l'avez compris, depuis deux mois, des centaines de millions de dollars sont levés non seulement par des multinationales, mais par des artistes, etc., pour alimenter des caisses qui sont supervisées par Susan Rosenberg, bolchevique juive, engagée dans des activités à caractère terroriste, qui a été graciée par Bill Clinton himself. Je vais demander à nos participants ce qu'ils en pensent. Est-ce que ça les surprend? Est-ce qu'ils découvrent quelque chose? Est-ce qu'ils ont envie de nous faire part simplement de leurs sentiments là-dessus? Eh bien, tu viens de faire tomber un pan de mur qui montre à ceux qui ne sont pas trop au courant une partie de ce qu'est l'État profond, le « deep state » comme disent les Américains. Ce n'est rien d'autre. Ce sont les entreprises, les grandes entreprises. Ce sont les partisans politiques qui sont derrière toute cette emmanchure. On n'hésite pas à développer, Fulbert, hein, si tu l'as envie, ou d'autres même. Oui, en fait, je fais un simple constat. Bon, parce que je m'intéresse un peu à la question, je ne pourrais guère en dire plus. Mais le détail que tu as donné des participations montre bien ce qu'est l'État profond, qui est attaqué, qui attaque, par quels moyens, par quelle communauté, etc. Et en plus, si les gens ont encore un doute sur l'aspect de cet État profond, n'oublions pas que ça a des répercussions chez nous en Europe. Bah on l'a vu hein, avec l'agitation raciale autour d'Assa Traoré, soudainement les plateaux de télévision s'ouvrent, BFM Drahi ouvre son plateau à Assa Traoré, alors qu'on sait, je veux dire, c'est documenté, on sait que c'est des bandits, on sait que c'est un gang, je veux dire, c'est pas du tout des innocents qui se sont fait prendre un pardon, non, c'est des bandits, et les médias juifs font comme si ça n'existait pas. Je veux dire, mais à un point où c'est grossier, on voit que c'est grossier. En fait, il y a une opération. Et l'opération, elle est menée contre la race blanche, en l'occurrence. D'ailleurs, les musulmans sont laissés de côté dans cette affaire. Hein. Je veux dire, très clairement, ce n'est pas une offensive qui a un caractère, je veux dire, où on chercherait à surfer sur... à faire pleurer dans les chaumières sur le thème de l'islamophobie. Contrairement à Obama en 2008, par exemple, hein, où il avait lancé un appel du pied. Là, on est dans une stratégie qui est beaucoup plus raciale, où les nègres jouent un rôle central. Alors, on se comprend, hein, ils ne jouent pas un rôle actif. Ils sont instrumentalisés, hein, parce que le nègre est trop con pour avoir une stratégie quelconque. Mais ils sont activés par les grands oligarques juifs, par les médias juifs, ils répondent comme un seul homme. Pourquoi ? Parce qu'on leur promet le pillage. On leur promet le pillage, on dit, vas-y, allez-y, c'est permis. Et voilà, c'est important de montrer qui est, in fine, celui qui touche le fric. Et celui qui touche le fric, c'est le juif. Le juif est encore une fois derrière le rideau. Moi, c'est tout ce que je veux dire. Le juif. Alors, pour le coup, je ne suis pas certain que le golem va rester longtemps en laisse, même avec les nègres. Moi, je pense vraiment que le nègre risque de leur échapper. Alors, pas forcément en devenant, comment dire, totalement indépendant et antisémite. Mais dire, quand tu mobilises quand même quelque chose qui est aussi explosif que les masses nègres, ça pourrait s'en retourner. Alors après, les juifs seraient tout à fait capables d'utiliser telle ou telle communauté pour remettre le nègre dans le champ de coton. Bah, les blancs. Oui. Oui, les blancs ou même les arabes, hein. Mais là, je suis d'accord, enfin je pense que tu n'apprendras pas forcément grand-chose à nos auditeurs. Mais là, ils ont été très loin. J'étais voir ce qui s'est passé dernièrement aux États-Unis, des manifestations de nègres armés. Ouais. Je pense qu'il y a quand même quelques activistes qui sont en mode Farrakhan. Alors, ils sont très peu nombreux. Quand ils sont identifiés, ils sont tout de suite mis à la marge du système parce qu'ils sont effectivement excessivement dangereux. Mais un Farrakhan ou même un Kemi Seba, je pense que pour les juifs, c'est pas forcément la bonne chose du tout, du tout, du tout. Bah, on aimerait avoir plus de Farrakhan que de clowns. Bon, Farrakhan, il est âgé maintenant. Mais au moins, Farrakhan voyait clair dans le jeu des Juifs. Donc Farrakhan, bien évidemment, n'aime pas les Blancs. Mais ça, je m'en fous. C'est pas, ça me dérange pas. J'ai pas besoin d'être aimé par les nègres, ça c'est au Front National qu'on a ce besoin là, vous voyez. Mais me faire haïr par les nègres me va très très très bien. À la condition qu'ils comprennent le jeu des juifs. Et Farrakhan est un des rares leaders nègres à avoir parfaitement compris le jeu des juifs. Trop bien compris d'ailleurs, probablement. Et donc, maintenant, le problème c'est que si vous voulez, Farrakhan n'est pas le patron omnipotent des nègres américains. Le nègre est le nègre. Ce qui le définit, c'est que le nègre ne réfléchit pas. Donc il y a des nègres qui réfléchissent. Ces nègres qui réfléchissent et qui ont du charisme sont respectés par les autres nègres. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont l'autorité sur ces nègres. Le nègre répondant à ce besoin primitif, que sont grosso modo l'envie de piller et de violer, bon, puis quand il se repose, il joue au basket, eh bien, il donne libre cours à sa nature, quoi. Donc, même des figures influentes comme Farrakhan ne peuvent pas grand-chose, et même des rappeurs influents ne peuvent pas grand-chose en réalité, hein. Le nègre veut piller et le nègre veut violer. C'est sa nature. Oui, effectivement, la France s'est évertuée à sortir le nègre de la jungle, hein, mais Oui. sortir la jungle nègre est un projet beaucoup trop ambitieux. C'est ici qu'il faut rendre hommage quand même à la sagesse arabe, parce que ce sont quand même les seuls esclavagistes qui ont compris qu'il fallait couper les couilles des nègres, hein, avant de les envoyer dans leur pays. Mais déjà, il y a quelque chose qui est flagrant, hein, dans ce que tu as décrit Oui, initialement. oui. C'est que les nègres manipulés, donc qui a priori, pour aller abonder dans ton sens, ne réfléchissent pas ou pas trop, du haut de l'échelle, on commence avec des criminels, comme ces femmes dont tu as cité le nom, Alicia Garcia, Assata Shakur, Suzanne Rosenberg, qui sont des noirs, sauf peut-être Suzanne Rosenberg qui est probablement Ah oui, simplement donc juive. il est très oui. Tu vois? Oui. Mais on commence par des criminels historiquement connus, et on fait au bas de l'échelle avancer localement des criminels où on les prend comme motif de mouvement, des criminels ou de sérieux délinquants, en tout cas comme le George Floyd ou comme les Traoré en France. Et du haut en bas de l'échelle, c'est vraiment, quand tu emploies le mot golem, je crois qu'on ne peut pas mieux choisir que ce mot-là. Hein. Oui, c'est le bon terme. C'est MacDav qui l'a utilisé, c'est le bon terme. Bah, à la base, en plus, c'est une légende juive. Hein. Oui, et ça se ressent Le toujours golem. contre eux. Oui, c'est leur malédiction. Tout à fait. Enfin, en tout cas, nous voilà au clair sur qui perçoit quoi. C'est très intéressant dans ce mouvement. Donc, on le savait, bon, ici on l'a dit, mais ça va mieux en le disant et en donnant les sources. Black Lives Matter, mouvement terroriste juif, hein, comportant accessoirement quelques nerfs. Mais c'est un mouvement terroriste juif. Ça fait... Bah du coup, entre ça et le pognon qui va en Israël pour aider la colonisation, moi je suis content d'avoir quand même des gens... Ah tiens, on n'a pas parlé de ça. Moi, est-ce qu'on peut terminer là-dessus quand même? Parce qu'on parlait du baccalauréat, vous savez. Et on parlait des juifs, là. Moi, j'ai quand même envie de dire du bien de Blanquer, parce que j'ai appris cette semaine que sa gonzesse, c'était Anna Cabana. Mais alors, Anna Cabana, donc, qui est une journaliste sur BFM Drahi. Mon Dieu, Madame Bitton. Enfin, oui, c'est Bitton. Mais Cabana, c'était le nom de son ex-mari. Oui. Qu'est-ce qu'elle est laide! Mais elle est... Mon Dieu, mais quelle horreur! L'Esther... C'est l'Esther du ministère de l'Éducation. C'est moi quand je la vois, je pense à Pourim de suite. Ah oui. C'est Pourim. C'est Pourim incarné. Et c'est pas ça. C'est que j'ai récemment vu un reportage sur les juifs de Djerba. C'est-à-dire Djerba, c'est Ils ont eu des problèmes avec des substances. Il y a quelques qui ne goûtaient plus trop leur présence. Oui, il y a eu des quelques petites joyeuseries il y a quelques années. Bon, on va pas parler des choses qui fâchent. Mais si tu veux, ils ont montré, il y avait un reportage du service public, hein, sur ces communautés où tout le monde vivait ensemble, etc. Ils montraient les youtres qui étaient dans la synagogue. Putain, ils avaient tous la même gueule, les espèces de dieux, de chameaux là, absolument énormes, avec un nez, mon pauvre. Mais tous avaient la même gueule. À une échelle un petit peu moindre, les séfarades de la Côte d'Azur, de Cannes à Nice, même on pourrait pousser jusqu'à Menton, mais il n'y en a pas tellement. Menton, c'est plutôt les Italiens, mais de Cannes à Nice, sur la côte, tous les youpins, oh là, surtout les youpins, c'est encore un petit peu diversifié. Mais les youpins ont toutes la même gueule. C'est des gueules de chameaux, c'est-à-dire qu'on a des nanas avec un faciès allongé, tu vois, c'est-à-dire qu'elles sont à moitié chauves, elles ont des yeux énormes, un nez crochu. Les yeux sont énormes, mais ils sont pas symétriques. C'est-à-dire qu'il y a une dissymétrie particulièrement marquée. Et des chicots, mon pauvre. Putain, ça te bouffe du foin comme pas permis, quoi. Je te fous pas ça dans un champ. Enfin, moi, les poules au moins ça pond des œufs, quoi. Les juifs ça pond des juifs. Non. J'en veux pas. Je n'en veux pas chez moi de ces saloperies. Alors du coup, quel est le lien avec Djerba? J'ai jamais compris là. Mais Anna Cabana, une gueule de juif de Djerba, et tous ces gens, en fait, tous ces youtres de Côte d'Azur, ont tous la même gueule. Ils sont tous des sosies, ce sont tous des clones. Ils sont de la même matrice. Et ils sont absolument ignobles. Hein, Physiquement. Physiquement. Surtout qu'elle est sur les plateaux de BFM TV, elle met du maquillage et elle veut et tout pour s'embellir. Oui, ça. Rendez-vous compte, Anna Cabana. Bitton. Bitton. Ah, putain, ce pif. Elle est maquée le vieux Blanquart pour le coup quand même il a réussi son coup, le type il ressemble à un fonctionnaire de sous-préfecture. Il est austère comme on dirait un pou, quoi. C'est incroyable. Il est grisâtre. Ah, il est gris, on dirait, bon, il est mort, c'est mort. Vieillissent très très mal, hein. Ah oui. Elles vieillissent vraiment comme des sorcières. Comme des sorcières. Regardez là, la vieille Yutras là, Elkriff. Ah oui, oui. Elle est encore blanche. Non mais là, cher Gandalf, elle est encore blanche. Ça fait tomber la tapisserie dans un salon, un truc comme ça. Mais Dambiton sera encore pire, cher Gandalf. Ça sera ignoble. Regarde déjà ce qu'il en est, encore un ou deux ans. C'est horrible. Alors oui, alors attendez, parce que tant que j'y suis justement. Alors cette juive sévit. Aux bonnes grâces de la famille Coudurier, dans le journal Le Télégramme de Brest. Alors, vous demandez, qu'est-ce que fout Cabana, donc Bitoun, à raconter des... Oui, parce qu'elle elle a colonne ouverte. Elle raconte ce qu'elle veut, toutes les semaines, colonne ouverte. Et voilà, donc, des années, moi, qui suis avec attention, quand même, les colonnes des journaux régionaux, tout particulièrement ce Télégramme de Brest... J'avais toujours remarqué ce faciès très louche, très brun, quand même, pour la région brestoise. Hein. Je sais qu'il y a quand même quelques bougnoules dans le coin, mais enfin, c'était quand même très très brun. Et même si l'édition est en noir et blanc, j'avais quand même remarqué qu'elle était trop brune, même pour une édition de noir et blanc. Eh bien, je m'étais dit... une youpine. Forcément une youpine. Et ben voilà, c'est le journalisme français... Le journalisme français, voilà. Quand tu as vu un habitant, tu n'as pas vu une youpine directement. C'est ce que tu es en train de dire. Il y aurait marqué Cabana, mais bon, il y aurait marqué Cabana. C'est un peu latine, tu vois. Peut-être qu'elle est espagnole, machin. J'ai tout de suite soupçonné le braquage. C'est mais surtout, ce que je veux dire, c'est à quel point cette presse institutionnelle est tenue par la juiverie, et à quel point le dernier journal régional est tenu d'une main de fer par les juifs, et que les journaux sont tenus d'ouvrir leurs colonnes à un rejeton de la communauté, à une Youtras qui arrive ici ou là, auquel il faut un siège, un strapontin pour qu'elle puisse noircir son papier. Voilà. Tu n'as pas le choix, il faut que ça s'ouvre, et si ça te plaît pas, c'est pareil. Voilà. Et donc on avait Cabana, Bitoun, pour bourrer le mou des Finistériens. Bourrer le mou des pêcheurs de l'Octudie. Et Bitoun, qui a jamais foutu les pieds dans le pays Bigoudin. Il a jamais vu Crozon. Jamais. C'est Brest, je ne pense même pas. Vous voyez, mais ça noircit du papier. N'est-ce pas? Pour la plèbe goy de la péninsule bretonne. Moi, je trouve ça fascinant. Ça me fascine. Ça me fascine. Les juifs ont le droit de parler et nous, on n'a pas le droit de parler sur Internet. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc, moi, comment dire, je vais en revenir un petit peu au point fondamental. À quand une statue Heinrich Himmler en face de la Tour Eiffel? Moi, j'attends. Voilà. J'attends. Et puisqu'on dit du mal des juifs, et puisque Derek vient de parler de la synagogue, je voulais juste quand même rappeler une petite anecdote, c'est une parenthèse, il n'y a pas trop de lien. Qui s'est passé cette semaine, vous savez, Darmanin, il a fait sa petite visite à la synagogue là de Paris. Oui, qui est juif, d'ailleurs, pas le choix. Précise-le, il est juif. Oui, il est juif. Oui, il est juif. Gérald Moussa. Voilà. Donc, il n'a pas le choix, il doit aller se prosterner. Bah, voilà, il est devenu ministre de l'État maintenant, il doit aller se prosterner. Donc, il allait se prosterner, hein, donc il a fait son service obligatoire. Bon, seulement de bonne grâce, hein, vu qu'il en est. Non, enfin, et là, en fait, je te coupe, mais je suis obligé parce que tu dis, il a été obligé de faire son service. Alors, pour le coup, il l'a fait vraiment avec le cœur. Il a des intérêts dans la boutique, hein. Il y a des choses qui sont mises en place. Hein. Et j'ignorais que durant cette cérémonie religieuse juive, hein, et ben, en fait, il y avait une prière pour la République française. Voilà. Je pense que les auditeurs de démocratie participative doivent savoir ça, que les juifs prient pour la République française, oui. Précisément. Un régime impie, vendu aux démons, oui, ça me paraît logique que les Hébreux prient pour. Hein. Oui. Bah, c'est une république juive. Non? Non, bah, c'est vrai que pour le coup, ça leur appartient, donc c'est normal qu'ils prient pour leur bien, quoi. Ah ouais? Non, c'est normal. Non, mais c'est bien, enfin, je veux dire, c'est à eux, on déclare, quoi. C'est cohérent. Puis le ministre y va, tu vois, t'as raison, c'est bien, le ministre juif, donc de cette république, va à la synagogue pour assister à la prière pour la république, parce que c'est la république à eux. Ouais, ouais, c'est normal. Et puis alors dire Darmanin ou un autre, dire Valls n'était pas juif, s'il aurait bien aimé, j'imagine. Ah, il aurait aimé. Bon, il a fait les mêmes pirouettes parce qu'il n'avait pas le choix, en fait. Non, mais Valls, chez Valls, tu sens un petit peu une tristesse intérieure, tu sens qu'il aurait aimé, tu vois. Mais il a pas, tu vois. Tenté de se convertir, non? Ouais, Valls. Je pense que le rabbin. Il irait poignarder sa mère, il avait ouais. L'intérêt. Hein. Il a dit non, mais t'es trop con. C'est. Non. Bah, c'est vrai que. Je pense que pour se convertir à partir d'un certain âge, ça doit demander quand même certaines qualités. Et notamment, éviter d'annoncer comme ça, les valeurs de la République, les valeurs de la République. Ça passe mal. Il y a vraiment quelques casiers au cul aussi, le père Valls, non ? Il était pas pro-palo à une époque ? Si, si, mais il y a dans une autre vie. Bon, il y a longtemps, c'est vieux. Il plantait même des arbres pour la Palestine. Non, mais je raconte pas de conneries, hein. Non, il plantait des arbres pour la Palestine. Il y a un arbre. Je sais pas pourquoi. Hein. C'est parfaitement exact. Ouais, il vient du PS, écoute, il a fait son petit chemin en PS normal, quoi, classique. Non, mais c'est curieux comme concept. Je veux dire, tu poses un arbre et puis je sais pas quoi, t'attends un miracle. Je comprends pas bien, mais voilà. Alors maintenant, il plante des arbres à juifs. Vous connaissez le concept des arbres à juifs ? On en avait parlé. Oui, on en a parlé. Donc voilà, donc il y avait les arbres à Palestine, maintenant les arbres à juifs. Voilà, quand tu plantes un arbre. Oui, rappelle voir, c'est quoi ? C'est des. Alors, c'est les arbres de la laïcité ? Non, oui. Enfin, c'est. Oui, enfin, bon, c'est la même chose, mais c'est plus explicite. C'est-à-dire que, en fait, les arbres de la laïcité ou de la République, je sais pas quoi, là, bon, parfois dans les villages, il y en a. Bon, mais ça, c'est pour les goyes, parce que les goyes, ils sont cons, et on va pas leur dire non plus que c'est un arbre à la gloire de la juiverie. Donc, on leur dit, c'est un arbre pour la laïcité, vas-y, voilà, liberté, égalité, va boire un verre. Mais, il y a les arbres à juifs, et les arbres à juifs, c'est récent. C'est-à-dire que maintenant que les juifs, ils tiennent bien la boutique, ils mettent carte sur table. Alors, l'arbre à juifs, ça a été déclenché par l'affaire Halimi. Donc, en fait, c'est des arbres à juifs en général, mais c'est des arbres à Halimi en particulier. Alors, un arbre à Halimi, donc il était inventant de portable, ça consiste en fait à foutre un arbre quelque part pour que les goyes dans la commune en question puissent venir se recueillir et célébrer leur maître juif. Voilà. Et il y en a quelques-uns maintenant en France, hein. Il y en a, j'ai plus les communes en tête. Enfin, il y en a, quoi. Voilà. C'est un arbre à juif. D'accord. Par contre, pour la tradition de planter des arbres quand il y a un changement de régime, ça vient de la République française, je crois. Il me semble que les curés défroqués bénissaient des arbres de République pendant la première, enfin à la suite de la Révolution, et également après la Révolution de février 40, enfin de février 48, il me semble. C'est une vieille tradition républicaine, ça. Oui, voilà, bah, on y est. Donc, il y a les arbres à juifs, maintenant. Voilà. Et moi, j'en ai vu des magnifiques cérémonies, avec le rave et tout. Puis t'as les goy, ils sont là, ils regardent. Ils n'ont pas l'air de s'approcher, forcément, parce que bon, il y a une distanciation sociale, comme on dit, quoi. Tu vois, donc, faut pas non plus... Mais ça existe, hein. Distanciation sociale, ouais, tu bénis à distance. Non, mais les goy, ils sont pas bénis, hein. Tu fais la bise à distance, c'est ça ? Non, le rave, il bénit l'arbre. Mais non, les goy, ils ont le droit de regarder parce que bon, bah déjà, les juifs, ils veulent bien, quoi. Et, bon, voilà, on les met là dans le coin, ils regardent, tu vois. Mais il n'y a pas de contact, hein. Puis ensuite, il y a l'arbre, il est au milieu de la commune, voilà, et puis les goy, l'arbre est juif. Halimi. Ce peuple mérite toute notre haine, comme dirait Finkielkraut. Je vous dis à la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.